J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est grattée la chatte, mais violent. Il s'agit du flow de cast. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit tout simplement du 14e. Numéro de ce podcast. Je suis avec 4 invités, comme à l'accoutumée. Parfois non d'ailleurs, des fois on est 3, des fois on est 4. Mmh. Ça va à volo, j'ai envie de te dire. Tu casses les codes. Eh bien, on commence tout de suite par Pierre Lapin. Ouais. Bonsoir. Ouais, il fallait. Merci de m'accueillir pour cette deuxième fois. Oui, c'était le Error en fait. Pierre Lapin, peux-tu te présenter pour exactement. Les gens qui ne te connaissent pas Gamer. Je suis gamer, comme le dit si bien Adrien Méniel. Vidéaste, créateur, photographe, Twitchos. Ah, t'es un bon Twitchos. Moi, je suis un slasher. Tu vois, je suis un millennium slasher. On est en 2018, donc il faut s'y faire. Est-ce que t'as un compte Insta? J'ai un compte Insta aussi. Ouais, super, putain. Twitter, je suis multiplateforme. Voilà. Très bien. Le YouTuber, le club officiel, et voilà. Oh, mais t'inquiète pas, on va en reparler. Savoir ce, voilà, pour l'actualité coule et branchée. Exactement. Bah écoute, nous sommes également, je ne sais pas vraiment quand, est-ce que je vais d'abord dire Sylvain et après tu me diras si je dois reprendre. Nous sommes avec Sylvain. Oh, Bah, j'ai eu mon entrée de forain, donc je suis ravi. Sylvain, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, je suis au chômage, donc n'hésitez pas à me donner du travail. Sylvain du chômage. Exactement, non, j'étais chez Golden, là je viens de partir. Je gérais le site et un petit peu les réseaux sociaux avec El Famoso Luciol. Le buzz, nous avons le buzz. Voilà, j'étais en charge du buzz, c'était responsable le buzz. Et on peut le dire aujourd'hui, le hand spinner, c'était ton idée. J'étais au début, ouais. Le dab, c'est toi? Le dab, non. Ah, le dab, c'est pas toi? Non, c'est combiné à base. Ouais. Okay. Topito après la reprise. Et... Ouais, voilà, vous êtes, c'est le triangle des Bermudes. Hein, exactement. Tu t'es illustré via d'autres choses. Tout à fait, j'ai fait le site Becherel ta mère il y a maintenant 4 ans. 4 ans, et voilà, tu as sorti un livre il n'y a pas longtemps. Exactement. Intitulé Je t'apprends le français, bordel. Très joli titre. Voilà, également. Exactement. Tu es l'auteur dans toutes les bonnes librairies. Et tu es aussi l'auteur d'Harry Potter. Exactement. On peut le dire aussi aux gens. Disponible aussi dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas à l'acheter. Ouais, c'est histoire que ça monte un peu. La Noël, c'était pas mal, mais bon, il faut. Ça serait pas mal que d'acheter Harry Potter. Nous sommes également avec Jérémy Détlo. Ouais, Jérémy. Plaisir. Jérémy, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Jérémy Détlo, je suis un peu malade. Et personne ne t'en tiendra rigueur ici. Merci à vous. C'est pour ça que tu gardes ton manteau. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu froid. Moi, je suis ce qu'on appelle un humoriste qui vient à la base de la scène. Et puis après, je suis arrivé par magie sur YouTube. Sur YouTube, via ta chaîne personnelle, et ainsi qu'un collectif. Qui s'appelle Le Whoop. Le Whoop Gang. Tu te calmes, Denis, rappelons-le. Et... C'est ça. Voilà. Nous sommes aussi avec Adrien Méniel. Adrien Méniel. Qui était absent depuis quelques numéros et qui nous fait la joie de revenir. Ça va, ta glycémie est bonne, on est bien. Non, mais le dernier, j'ai été banni. Mais tu n'étais pas banni. J'étais sur Star Wars, il a dit bon, écoute, viens pas. Adrien, parce qu'en plus, c'était monté. 3h45 d'enregistrement sur des films que tu trouves pas ouf ou que t'as pas vu, n'était-ce pas un peu dingue? Non, mais la vie de quelqu'un qui est. Parce qu'on est tous touchés plus ou moins par Star Wars, ça aurait pu être intéressant d'avoir la vie de quelqu'un qui ne recherche pas activement. T'aurais fait uniquement des blagues en disant que c'est pas ouf. C'est vrai. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. La chanson de Louis Attaque, d'ailleurs, je crois aussi qu'on peut citer mon invitation. Je l'ai dit un peu sur le même ton. Comme à l'accoutumée, nous allons échanger tous ensemble des trucs de la pop culture que nous avons apprécié récemment, que ce soit du théâtre, de la musique, du cinéma, des petits bouquins qu'on aurait pu kiffer, des trucs comme ça. J'ai envie de commencer avec Pierre. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as apprécié récemment dans le domaine de la culture en ce début d'année 2018, suis-je bête, j'ai même pas pensé à le dire. Bonne année et surtout, la santé, Adrien 2018, l'année de... Des frites. Pierre, peux-tu nous dire ce que tu as apprécié récemment? Moi, je voulais un peu sortir des sentiers battus et arrêter de parler de séries Netflix. Donc, je ne vais pas vous conseiller d'aller voir Dark, la série allemande. Voilà, parce, ouais. qu'elle est... parce que tu ne conseilles pas les trucs Netflix ou parce que ce n'est pas bien ? Parce qu'elle est trop bien. D'accord. Mais je ne vais pas la conseiller, celle-là. Non, mais par contre, je voulais conseiller un album que je réécoute et qui, selon moi, est un des meilleurs albums de l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire 2017, qui s'appelle Mourne, de l'artiste Despacito. Corbin. Ah, d'accord. Corbin, qui est un espèce... Corbin, qui c'est peut-être Corbier. Son fils, je d'accord. Sais pas, ouais. Son fils dépressif pour le coup. Et Corbin donc fait une espèce de pop lofi dark pour les okay. gens qui aiment bien être tristes et un peu émo. D'accord. Et ça marche super bien. C'est 80% des gens qui écoutent ce podcast. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une espèce de grande complainte magnifique, très froide. Et allez écouter cet album-là. Je Il sais est pas, islandais. Bah, il y a moyen. Je sais pas. C'est Corbin, ouais, il pourrait. Hein, ouais, il l'a tenté, il l'a tenté. Vous pouvez non, pas lui en vouloir de l'avoir tenté. Parce qu'il utilise un peu une imagerie un petit peu norvégienne aussi, black metal et tout. Ouais, mais c'est pas il est scandinave, quoi. Oui, scandinave. Est-ce Corbin, que t'as un groupe connu où tu pourrais le rapprocher, de duquel tu pourrais te rapprocher Sigur Rós, un peu, quoi. Mais pas du tout. C'est ça qui est fou. Il y a vraiment C'est entre Sigur Rós et Arcade Fire, quoi. Ouais, bah. Non, tu vas me triguer, c'est ça? Mais non, non, non. Mais non, des beats vraiment lofi, donc je sais pas trop. One Piece, lofi. Mais ouais, on adore la pop culture, je crois, ici. Là, c'est un meeting pop. Pickle Rick! 145 de QI. Et donc voilà, donc je sais pas comment rebondir là-dessus, mais écoutez-le. Non, c'est bien. Très, très et c'est sorti cette année? C'était l'année dernière. Enfin, Corbin avec un C? Exactement. Et un Y? Non, c'est avec un Y. Et passe-t-il en France dans un concert quelconque cette année? J'espère, j'aimerais bien le voir. C'est pas prévu en tout cas. Non, j'ai pas surveillé les réseaux. Très bien. Jérémy, j'ai fait tomber mon micro. Jérémy, as-tu apprécié quelque chose récemment? Alors, moi, c'est une BD, un comics. Alors. Parce que j'adore les Marvel. Et moi, ça s'appelle, attention à l'accent anglais, World Hulk. D'accord. Okay. En gros, genre, l'histoire, c'est en fait, il y a le leader de Quatre Fantastiques, Doctor Strange et Iron Man qui D'accord. ont envoyé Hulk dans l'espace parce qu'il devenait trop dangereux. Okay. Et il se trouve, il arrive sur une planète. Il arrive sur une planète. Ça, c'est un autre tome, il fait sa vie. Sauf que le vaisseau sur lequel il est envoyé explose et ça crée une catastrophe en chaîne sur la planète qui tue tout le monde. Et Hulk, il arrive vite fait au dernier moment à taper sur l'ordi. D'où vient le projectile ou qui a explosé le vaisseau et tout. Hulk ou Bruce Banner, non? Il est en mode Hulk. Là, il est sur un ordi en mode Hulk. Il est en mode Hulk. C'est un sur son Mac. C'est un gros ordinateur. Quoi. Il fait plein de fautes de frappe. En plus, en QWERTY, il est en inverti. Et du coup, ça vient de la Terre et il revient sur Terre et pour se venger. Ouh, et c'est magnifique. Et il est et c'est là que tu. Parce que moi, j'aime pas trop. Enfin, à la base, j'aime. Enfin, le perso Hulk, je l'aime pas trop tout seul. D'accord. Et là, pour le coup, il est magnifique. Et Hulk sur un ordi, ça te. Ouais, c'est... Oui, mais c'est ça. C'est après ce que tu parlais de Thor Ragnarok. C'est qu'il y a une BD qui s'appelle Planète Hulk, où il est envoyé sur une planète. Oui, c'est celui-là. D'accord. Ouais, C'est après. C'est juste après, voilà. Parce que sur la planète, où il est gladiateur et tout. D'accord. Très bien. Il est sorti en France ou il est sorti. Il est sorti. D'accord, trop bien. Et c'est combien de pages, un truc comme ça? Il est quand même un peu. Une petite épaisseur de, on va dire. Et les gens voient donc ça. 100 pages. Ouais. Le grammage du papier, ouais, c'est doux. Ça va, il est léger. Il est, ouais, c'est rigueux. Très bien. Donc pour les amoureux de la rue de Dante, pour le rappel, qui est la rue où il y a tous les comics de la Terre. Ouais. Sylvain. Eh bien, moi, j'ai ce don de découvrir les choses après tout le monde. Mais je pense qu'il faut en parler. Il y a Dirk Gently, saison 2, là, qui vient d'arriver sur Netflix. Oh, et oui, ça reste récent, Dirk Gently. Moi, je pensais que j'allais me sortir un truc genre Space Jam. Ou... Ouais, mais c'est pas Breaking Bad. Je le conseille aussi, hein, d'ailleurs. Okay. Mais non, j'ai découvert Dirk Gently, c'est pas facile à dire, il y a quelques semaines. Et la saison 1 est tout bonnement... Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Peux-tu résumer pour les gens qui ne connaissent pas? C'est l'histoire... C'est du Netflix, Wood, ça, c'est du Netflix. C'est du Netflix. Enfin, c'est produit par une chaîne de télé et diffusé par Netflix. Et en fait, ils n'ont pas renouvelé pour une saison 3. Ah, merde. Donc là, le deal, c'est un petit peu... Il faut que la saison 2 cartonne sur Netflix. Donc, allez voir. D'accord. Franchement, c'est génial. Et ça permettra d'être produit ensuite. Sachant qu'en même temps, en France, Netflix, c'est 20 vues, je crois, à peu près. Voilà. Là. Si on 34 abonnés, 30, tu sais. Bon. Non, mais voilà, en gros, c'est Elijah Wood dans un personnage bien plus récent qui travaille dans un hôtel et qui fait un petit peu, dans un grand hôtel et qui se retrouve à un moment, nez à nez, avec un double de lui, mais qui a l'air d'être dans de beaux draps, hein, comme on dit. Et on apprend qu'il y a une scène de meurtre qui sort de nulle part. vraiment dans une chambre d'hôtel avec des morsures de requins au plafond. Enfin, c'est vraiment mindfuck, pour reprendre le terme des jeunes. Ouais. Et, what the fuck. Voir what the fuck, ouais. Si excusez-moi de parler, mais... Non, si tu surenchéris, il n'y a pas de problème. Et voilà, en gros, toute l'histoire, c'est vraiment, on te balance des trucs... qui n'ont pas de sens pendant des épisodes, ouais. Et à la fin tout s'imbrique. Et voilà, non mais c'est vrai, et c'est une série voilà fantastique avec toute la magie Et c'est drôle. Et un détective holistique qui s'appelle Dirk Gently et qui va arriver dans sa vie et c'est drôle et ça tient bien en haleine. D'accord, voilà. Je crois que le showrunner est Max Landis. Ah qui ouais est le mec qui a fait un film pas ouf sur Netflix en ce moment qui s'appelle Bright. Bah super, c'était bon. Regarde. C'est pas vrai. Ah putain, une transition de ouf. J'allais presque dire, je le sais, ce qui était un mensonge. Ouais. Ce conducteur. oui, enfin voilà, qui a fait Bright, qui est pas très bien, qui pour le coup est pas très bien écrit. J'ai et qui a fait. Ouais, t'as kiffé ou. Non, je l'ai commencé, la personne avec qui je regardais s'est endormie. J'ai regardé, enfin du coup j'ai cuté. Ouais. Non, okay, c'est vraiment pas ouf. Et il avait fait par contre, il avait écrit un truc plutôt cool qui était Chronicle, qui était un film. C'est son premier film, je crois. C'est ça. Et après, il a fait que des trucs moins bien, il me semble. Après. Bon, il a fait des trucs à droite à gauche, et surtout, il a une très très grande gueule. Il est surtout connu pour parler beaucoup. Ouais, il dit qu'il, enfin, il se dit, il prétend être un génie un peu. Enfin, il est un peu agaçant. Quoi. Bah, Bright, du coup, tu l'attends un peu au tournant. Bah, c'est ça, parce que Bright, il l'a présenté comme son Star Wars ou son Seigneur des Anneaux. Il a dit, et vraiment, il a tweeté, je suis en train d'écrire mon film et je me rends compte que ça pourrait être mon Star Wars. Et après, il a effacé le tweet quand le film est sorti. Après, il s'est dit, attendez, mais non, je fais un truc avec Will Smith et un orc qui sont flics. Ça n'a rien à voir avec. Est-ce que tu as le temps de répondre pas ouf quand même pour Star Wars? Tu veux dire un truc surcoté, t'as raison. Bah, moi, j'ai un peu regardé Bright et pareil, j'ai coupé avant la fin. Moi, j'ai tout regardé, moi. Mais non, c'est faux, tu mens. Je l'ai vu. Hein, ah oui, Bright. D'accord. Tu l'as vu? Je l'ai vu en entier. Ah ouais. Putain, je croyais que c'est. Alors, je vais même te dire un truc. Je l'ai vu dans le train. Je l'ai regardé dans le train parce que maintenant il y a le Wi-Fi dans le train. Première nouvelle. Mais c'est le futur. C'est pour aller à Marseille. C'est un peu Black Mirror. Ouais. je suis allé chez ma sœur pour Noël à côté d'Avignon. Il y avait le Wi-Fi. Donc j'ai Netflixé. Non, j'ai Netflix et chillé. Ouais, exact. Bah, pas trop chillé. Et j'ai maté le film, donc c'était pas ouf. Et après, je suis arrivé chez ma sœur. Mon beau-frère, je discute avec lui. Je lui dis, j'ai regardé Bright. Il me dit, alors, c'est bien. Je fais, ouais, non, pas terrible et tout. Deux jours après, j'étais dans le salon. Il a dit, je vais mettre un film. Et il a mis Bright. Tu l'as vu deux fois. Je suis parti. Et vraiment, il y a eu un truc genre, mais je t'ai dit que je l'avais vu. Et en plus, que c'était pas bien. Tu me manques totalement de respect. Je suis allé m'asseoir dans une pièce vide. Par terre. C'est une attaque, ça. Ouais. C'est vraiment très bizarre. Parce que je comprends pas trop ce qui a voulu être fait. On dirait vraiment... C'est assez peu subtil, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très peu subtil. Will Smith, on a vraiment rien à foutre d'être là. C'est assez dingue, quoi. Et il fait même pas une chanson à la fin. Que moi j'adore. quand il faisait des daubes à l'époque, il avait le mérite de faire une chanson à la fin qui était cool, genre Wild West. Il y a un mec qui a écrit la fausse chanson de. C'est sur Twitter. Et la fausse chanson de. Will Smith avait fait un rap de Bright, c'était trop marrant. Ah, Bright Matt, c'est une super idée. Trop drôle. Il a pas fait la chanson, mais il a écrit les paroles et c'est déjà vraiment drôle. Quoi. Adrien, qu'est-ce que tu as apprécié toi récemment dans le monde de la culture? Moi, je fous rien en ce moment, mais d'abord j'ai re-regardé Seinfeld. Là, je re-regarde Friends, donc c'est pas extrêmement neuf. Mais sinon, mais on peut le conseiller. Je peux le conseiller. C'est les bases. Hein. Ouais. C'est les bases. Non, sinon j'ai regardé pendant le Nouvel An parce que je suis un gros tougher. Je suis resté chez moi avec ma meuf pour le Nouvel An. Un et bon on a patoche, regardé... Sébastien. Non, on a regardé sur Netflix Manhunt, Unabomber. Avec Macron. C'est pareil. Non, en vrai, c'est un peu pareil, mais c'est un truc d'enquête et tout ça. Et en gros, ça raconte la traque du Unabomber, qui était un vrai tueur en série aux États-Unis dans les années 90. Un mec qui a fait 17 attentats. Et sa particularité, c'était qu'en fait, il élaborait des bombes extrêmement perfectionnées qu'il l'envoyait par la poste à ses victimes, quoi. D'accord. Et donc les gens ouvraient et ça leur explosait la gueule et donc putain. Soit ils étaient blessés, soit ils mouraient. Et ça suit l'enquête qui a permis de... J'ai vraiment fait une phase très chelou dans ma phrase où j'ai fait... En fait, je me suis dit, je vais changer de sujet. En fait, non, je suis revenu. Non, les gens ouais, je préfère préciser. T'es conscient de tes faiblesses. Et non, c'est assez... Bah, moi, j'aime bien un peu tous les trucs genre true crime, les trucs d'enquête. Oui, parce qu'à chaque émission, tu nous parles d'un gars qui a assassiné 1000 personnes. Ou des gens accusés à tort. C'est vrai, mais j'aime j'aime bien aller dans les tréfonds de l'esprit humain pour voir de quoi, de quoi on est capable, en fait. Ouais. Et c'est intéressant, quoi. Mais, et en fait, moi, je connaissais beaucoup la vraie histoire. Je m'étais pas mal renseigné. Donc, je connaissais... Enfin, les trucs qu'il raconte, je les connaissais déjà, plus ou moins. Est-ce qu'il n'y a pas un délire où il aurait été créé de toute pièce, où il a... Je veux pas spoiler. Ah oui, okay, donc c'est vrai. Mais, okay. Enfin, c'est pas créé de toute pièce, mais il y a un truc... Il y a un micmac, il y a un micmac. Il y a un truc, mais ça vient... Plus tard dans le... D'accord. Dans le... Non, disons, pas trop. Et oui. Non, mais c'est cool, mais même quand on connaît l'histoire, c'est intéressant, l'enquête et tout. Il y a un truc un peu agaçant, et qu'en fait, c'est un truc qui avait déjà un peu ça dans Mindhunter, et en fait, il y a un peu ça dans tous les trucs d'enquête, j'ai l'impression. En fait, là, on suit un petit nouveau qui arrive au FBI, ou... Ouais, c'est FBI. Et en gros, le mec, il a des nouvelles méthodes. Lui, sa méthode, c'est d'utiliser la linguistique pour analyser l'esprit des gens et essayer de les identifier. Et donc, au début, les gens lui disent « Ouais, la linguistique, n'importe quoi, le jeune avec ses méthodes modernes et tout. » Et premier truc, il a raison. Il fait avancer les choses. Mais ouais, la chance du débutant et tout. Et après, deuxième truc, il dit « on devrait faire ça. » Le mec fait « Ouais, n'importe quoi avec tes méthodes et tout. » Il a encore raison. Et en fait, il a raison pendant 5 épisodes. Et à chaque fois, le mec fait « Ouais, arrête, le petit nouveau. » Et croyez-le, en fait, il a raison depuis 6 mois. Quoi. Et vraiment, Mindhunter, c'était un peu ça aussi, où le mec, il est trop brillant et t'as le patron qui fait « Ouais, je te déteste et tout. » Bah, pourtant, il est trop fort. Quoi. Ouais. Et il y a ce truc qui est un peu agaçant, mais bon, qui n'empêche pas d'apprécier tous ces meurtres. Alors juste valeur. Voilà. Bon réveillon. Voilà. Une année 2018 qui démarre sur les chapeaux de roue. Et qu'on rappelle l'année de la. Des cosmopolites. Exactement. Parce que voilà, on veut vivre ensemble. Et non pas des cosmocats. Non. Voilà. Ça non. C'est 2004. C'était à l'époque. Moi, je vais vous conseiller un truc. Un peu de nerd, il faut que l'écriture vous intéresse. Pickle Rick. Il faut que l'écriture de scénario vous intéresse. En fait, c'est que des scénaristes qui parlent de leur métier de scénariste, en gros, et qui offrent des anecdotes. C'est un livre qui s'appelle Tales from the Script, qui existe qu'en anglais, mais franchement, si moi je l'ai compris et vous le comprenez, tout va bien. Et c'est juste des scénaristes qui donnent des anecdotes, et on se rend compte que c'est un métier... où les gens sont assez peu respectés, voilà, et du coup c'est assez intéressant parce que genre, des fois je vois plein de messages de gens qui veulent être scénaristes et qui ont plein de rêves et c'est trop bien. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression de faire un des meilleurs métiers du monde, en tout cas celui qui me correspond le mieux. Mais c'est quand même cool d'avoir des anecdotes, même sur des énormes blockbusters américains qui ont cartonné. Des gens se font encore marcher dessus et chier à la gueule, et c'est assez relaxant à savoir. Oui, voilà. Est-ce que tu te sens mieux après ouais, ça de ouf. En fait, tu dis bon, je me plains pour rien parce qu'en vrai, franchement, c'est le métier qui veut ça. Allez, on est au premier bip. Premier bip de l'émission de 2018. Voilà, et récemment, je fais une double propale. Je fais les choses dans le désordre. Il y a aussi un podcast qui s'appelle Il y a plus de papier, qui est un podcast qui parle de chier. Non, pas du tout. C'est un podcast qui parle d'écriture. C'est un podcast qui parle d'écriture et c'est assez intéressant. Et ils ont un épisode en particulier où ils interviewent pendant 2 heures Francis Weber, donc l'auteur-rédacteur du Dîner de cons, de la chèvre, des compères. Ah oui, j'avais Bernard Fourmis, Berber. Oui, dans ma tête, j'ai pensé Bernard non, Berber. Le créateur de tous ces films quand même très cultes, oui. Qui est un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ouh. Donc il chie sur la moitié du métier pendant le podcast. Mais en plus de ça, il dit des trucs, il dit des techniques d'écriture que lui il a qui sont super intéressantes. Mais ils ont des guests stylés quand même, s'ils ont ils n'ont pas besoin de moi pour fonctionner, hein. Ça marche vraiment très bien, hein. Bah arrêtons là. Non, mais en plus de cette émission, le podcast est vraiment intéressant, et Weber a des anecdotes un peu marrantes sur des réals qui imposent leur nom au scénario 2 alors que vraiment ils n'ont rien foutu dessus, des trucs comme ça. Donc c'est assez rigolo. Et pour revenir et conclure sur Tales from the Script, il y a une anecdote qui me fait beaucoup rire. C'est le scénariste de Bruce Tout-Puissant qui arrive à l'avant-première et il n'est pas invité, en fait. Il arrive à la projection vraiment de ouf, et vraiment il ne rentre pas. On lui dit non, je crois pas que vous êtes sur la liste. C'est qu'il recale. Voilà, c'est ça. Et en fait, un film qu'il a écrit, et qui est en plus Bruce Tout-Puissant, c'est pas genre, c'est des fois à Hollywood, c'est des studios qui disent voilà tel pitch, veux-tu l'écrire. Lui vraiment, il a apporté son idée au studio. Ouais. Et c'est son projet, c'est son scénario. Quoi. Donc il est là genre c'est un peu dur, et je crois que c'est le réal ou quelqu'un de l'équipe le voit et fait non mais c'est le scénar, non en fait le rentrer et tout. Donc il rentre et tout, l'humiliation, putain. Il rentre et tout, et il le revire et il croise une nana Oh putain. Et la nana lui fait ah, vous êtes à l'avant-première et tout. Donc il est là, genre, ouais, bah, les scénaristes, on a tous un peu un ego. Donc il fait, bah oui, quand même, j'ai écrit le film, quoi. Donc quand même, je suis invité. Tu sais, il a encore un peu son humiliation devant l'entrée qui est au milieu du coup, quoi. Il faut, ah, ils vous ont laissé entrer, ah, c'est cool. Et il fait ah cool, il fait vous êtes qui, il fait moi je suis la dresseuse du chien dans la scène où il pisse. Je suis la dresseuse de la scène où il se bloque pour pisser sur un, ouais, sur un truc d'eau là, sur les voilà. Et donc voilà, et c'est que des petites anecdotes comme ça croustillantes. C'est magnifique. Et, quel enfer. Mais voilà, quel enfer, c'est ça, voilà. Et c'est très rigolo, et il y a aussi des belles histoires, hein, mais voilà, ouais. Celles-ci sont assez rigolotes, et en plus c'est raconté par des auteurs beaucoup des gens qui savent écrire, quoi. Donc du coup ils savent très bien raconter leurs histoires, et du coup voilà, donc c'est vraiment bien. Tales from the Script, un très bon bouquin qui doit être à 5 balles sur Amazon, je pense, si vous cherchez bien. Allez. Et voilà, il y avait un autre bouquin que je vous conseille qui s'appelle Development Hell, qui pour le coup sont des anecdotes de scénaristes ou de réalisateurs à tes souhaits, Adrien. Merci. À tes souhaits. sur des projets qui se sont plantés, quoi. Et par exemple, il y a une histoire très drôle sur le scénariste de Tomb Raider 1 à qui on a fait n'importe quoi à son scénario, genre ils l'ont remonté, ils ont tout changé et tout, il est là genre bon bah d'accord, et surtout il a été crédité du 2 parce qu'ils ont pris des idées du 1 sans le prévenir, donc du coup il est co-scénariste du 2 alors qu'il n'a rien fait dessus du tout, c'est juste qu'ils ont repris 2-3 idées de scène du 1, tant mieux pour lui, bah, il a retouché de l'argent, mais, les droits, mais vraiment il l'a appris très tard, quoi. Il lui a dit au fait t'es co-scénariste, hein, du 2, ok, d'accord, j'ai absolument rien fait, mais d'accord, tu es co-scénariste de Vive Hitler parce qu'on a pris des idées de Tomb Raider 1, juste un plan, il y a ton nom sur l'affiche. Bon, en tout cas, à part Adrien, vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année? Ah, mais moi, c'était très bien, moi. Il a invité tout le monde au blind test. Pierre? Ouais. Pierre, t'as fait quoi de beau, toi, pendant les fêtes? Moi, je suis retourné en Bretagne, dans le Morbihan, à Lorient, voir toute ma famille, mes grands-parents, chez Pépé et Mémé. J'ai vu grand-père et grand-mère. Ça s'est bien passé? Mon papa. Oui, tout s'est très bien passé. Avec j'ai vu encore que tu avais posté ta jolie vidéo de récapitulatif de l'année. Bah oui, bien toujours très émouvant. C'est très joli. Des gens m'en ont parlé, d'ailleurs, sur le Curious Cat de l'émission. Ils se demandent même pour, enfin, le pourquoi de, tu vois, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que c'est pour donner un espèce de bilan de l'année? Est-ce que c'est quoi là, début, le truc qui te... le truc inspirant, en fait, j'avais vu une vidéo sur Reddit, d'ailleurs le mec est dans la vidéo de 2015, et ça m'avait inspiré tout ça, et au final ça a pris vraiment une résonance toute particulière parce qu'on a vécu ensuite une année avec tous les attentats et tout ça. Bien sûr. Et donc du coup j'ai eu vraiment une année vraiment folle, enfin comme tout le monde, et du coup je trouve que c'était un beau témoignage, et qu'au final en fait, les attentats, en fait, ça réunissait beaucoup de monde, mais aussi d'aller au McDo ou des trucs un peu plus cool. Ouais, enfin, c'est ce qui nous rendait humains, en fait. Et donc, le partager un peu aussi, c'est montrer qu'on est un peu tous dans la même merde ou quoi que ce soit, qu'on vit tous les mêmes choses. Et après aussi, j'ai aussi la bonne sélection musicale qui sert un peu pas mal de choses aussi. Tu m'as fait découvrir Arcade Fire. Voilà. Enfin, je le connaissais de nom, mais je n'avais jamais pris le temps d'écouter. C'est vrai qu'ils font quand même des trucs vraiment bien, quoi. Ouais. Et puis surtout, ça sert vachement le propos. Et surtout, Arcade Fire, ils sont toujours dans le double tempo où ça va être très, très doux. Et après, ça va partir en cavalcade et tout ça, ce qui correspond un peu à la vie. Et je conseille à tout le monde de le faire. Mais en fait, moi, à chaque fois que je vois ta vidéo, je fais putain, je devrais le faire. Et en fait, à chaque fois, je me dis bah ouais, mais j'ai rien filmé hier, donc c'est trop tard. Bah moi, cette année, justement, je me le suis dit les deux années d'avant, et là, j'ai pris le pli. Je te plagie comme un fils d'op. En même temps, il a plagié un mec de Reddit. Puis surtout, moi, je le filme. C'est pas plagié, c'est une idée. Oui, voilà, bien sûr, c'est basique. Il y avait déjà une application qui existe. Exactement. Depuis des années, tout ça. Oui, mais je trouve ça bien chez toi. Surtout, non, mais moi, je vais mettre. Puis moi, je vais mettre du Arcade Fire, par contre. Et je vais essayer d'avoir la même vie que toi. Tu sais, je me filme avec Guylaine. C'est trop bizarre. Quoi, je fais chez moi, mec. Bah, quoi, t'étais pas là, c'est mieux. Non, mais ouais, faites-le. Et c'est un beau témoignage. J'espère vraiment quand faire tous les 70 ans, mon gars, tu vas regarder ça, mais tu vas chialer, mon pote. Et mes enfants, voilà, votre papa, il s'est pris une cuite le 28 mars 2016. Bon, il y a un moment, c'est marrant parce que, genre, il y a, genre, je dis n'importe quoi, le 8 avril et le 9 avril, et c'est la même soirée, c'est juste qu'il y a 8 avril, t'es pas bourré, et le 9, t'es ivre mort en train de. Ouais, c'est marrant, et puis même aussi de revoir une année, tu rends compte que je fais des images qui annoncent la suite, et c'est trop perturbant, en fait. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a des patterns, et non, mais enfin, je sais pas, là, j'ai vécu des morts atroces récemment cette année. Mais juste avant de me diriger vers ces morts-là, je fais des vidéos de cimetières. Ouais. Je fais des trucs comme ça. Il y a trop des trucs annonciateurs ou chelous qui font écho à d'autres trucs de l'année. Peut-être tu te sens un peu coupable, non? T'imagines. C'était mon parfait alibi. Je voulais faire le buzz. Non, mais voilà, je suis très bien ces vidéos et c'est très bien. Mais très bien. Ouais, c'est très bien. Et aussi, je suis. Pardon, vas-y. Mais tu vois, et il y a Guigui qui en a fait une aussi cette année. Oui, c'est ça. Bah, tous les ans, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah bah, parce qu'il a mis un texte, je m'inspire de machin. Ouais, je ouais, mais il l'avait déjà fait. D'accord, j'avais oublié. Désolé, Guigui. Je me disais que des fois, j'avais un peu peur aussi, tu vois, de. Que tu vois, je me dis, ah, il n'y a pas d'attentat ou quoi que ce soit. C'est horrible de dire ça, tu vois. Un putain. Un truc. Et au final, tu te rends compte que non, en fait, la vie prend. Enfin, vite. Oui, c'est pas ça qu'on retient finalement. Et c'est assez intéressant de voir ça, en fait. Pardon, mais la mort de Johnny, bah, moi, ça a été un attentat pour moi. Non, par contre, c'est un vrai truc, mais c'est que moi, quand je vois ta vidéo, je fais putain, mais moi, je suis dans mon canapé, en fait. Enfin, ouais, moi, je me dis, putain, mais merde, je ne branle rien. Tu sais, j'ai l'impression de rien faire quand je vois ta vidéo de ma vie. C'est très bizarre parce que vraiment, je me dis, putain, j'aurais filmé quoi aujourd'hui, je fais ma livraison de bouffe. Après tu fais focus sur ce que tu veux. Bah, c'est vrai que bon, j'ai eu des beaux voyages et tout ça, mais après tu vois des fois je filme mes larmes. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça te fait des petites transitions, petit moment de vie, mais bah oui, tout à fait. Mon bon Sylvain. Eh bien, les fêtes. Suis également retourné dans la campagne. Exactement. Tu viens d'où ça, c'est pas. Je viens d'Auvergne. Oh, alors. Saint-Etienne, tu vois. Saint-Etienne, c'était notre Paris. c'était notre petit Paris à nous. Et... L'Auvergne, c'est Vulcania ou je dis n'importe quoi? C'est complètement Vulcania, ouais. Ah, exactement. La vedette. Ouais. Oh là là. Putain, m'en parle pas. Hein. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait une fois. Ah ouais, ouais? Ouais. Alors, il y a quoi? Parce que je me suis toujours demandé, ça peut pas être juste des volcans, quoi. Enfin, je suis content. J'arrive pas à croire que je suis content qu'on en parle. Il y a une très grosse météorite. Non, elle est vraiment énorme. Elle fait pire 1m50. Mais non. Si, si, elle est polie. Tu peux la toucher. Putain. Elle est usée. Hein. Mais qui est tombée en Auvergne? Ça, je sais pas. Je t'avoue que ça commence à remonter un peu. Et est-ce comme à Disneyland, est-ce que comme à Disneyland, il y a des mecs déguisés en Valérie Giscard d'Estaing? J'aurais dans, adoré. Dans des costumes. Genre, oh, alors. Moi, j'aurais passé une meilleure journée. Ou en comète. Non, c'est un truc foré dans le sol où tu peux ensuite aller faire des reconstitutions et ils t'expliquent des choses. Et voilà, c'est un projet extrêmement cher et peu rentable. Vraiment, je me suis renseigné dessus et c'est odieux. Là-dessus. Mais voilà, c'est ce qui fait un peu le charme de la région. Bien sûr. Mais, non, mais quand il est allé, c'était une punition ou c'était... C'était un voyage scolaire. Hein. Ah, ouais, donc, je pense que toutes les écoles d'Auvergne vont à Vulcania. Ils se disent, putain, les gars, on va en profiter. Ouais, c'est clair. C'est ça, une demi-heure c'est de culturel. Bus. Ouais. C'est ça, c'est 1h30 en quart. Ouais, en quart, ouais, putain. Et j'adorais les voyages en quart quand j'étais allé. Je trouvais que c'était la meilleure chose. Ils mettaient des films, soit Madame Doubtfire, soit Jumanji. Et d'où t'avais des films dans ton bus? Mais quel est ce bus? Non, mais pas pour le bus de l'école, mais quand tu vas en voyage scolaire, vous n'avez pas non, ça? Bah non, non. Moi déjà, je suis jamais allé en voyage scolaire de ma vie. D'accord. Enfin, parce que t'as raté ou il n'y avait pas de sous? Il y avait deux catégories. C'était pas une école dans un quartier très... Enfin, c'était dans une ville riche, mais c'était dans un quartier pas riche de cette ville. Rappelons que toi, t'étais à l'école de la rue déjà. Je parle de la vraie école. Après, j'étais à l'école de la rue. Mais non, ouais. En fait, non, c'est que vraiment, c'est à chaque fois, l'année... Enfin, le prof que j'avais, l'année d'avant, il avait fait un voyage. À chaque fois, je passais entre les mailles du filet. Quoi. La poisse. Pas de bol. En primaire, après, j'en ai fait. Voilà, pas très intéressant. Non, non, c'est vrai. Mais moi, je sais pas, vous aviez... Moi, j'avais des... Mais en j'avais même temps, on vivait dans un trou de... Oui, un trou chaque voyage scolaire, c'était au moins 3 heures de quart, quoi. C'est ça, donc aussi... Je sais pas, moi, je jouais avec des bâtons et des oranges. C'était avant ton prime, quoi, je veux dire. J'avais pas vos iPads. Non, mais genre, on est au collège, nous, on était partis... Tu faisais pas de selfie, toi. On était partis en Italie. On était partis en Italie, en bus. Bah ouais, en plus, j'avais niqué tout le monde, parce que moi, j'avais pas fait latin. C'était que les gens qui avaient fait latin qui devaient y aller. J'ai repris le latin en terminale. J'avais fait genre le collège, j'ai arrêté au lycée et j'avais réussi à reprendre juste pour le voyage. Et donc j'étais allé en Italie aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, je ne faisais même pas latin. Et c'est juste qu'en fait, personne faisait latin et que ça leur coûtait moins cher de prendre genre un groupe de 30 au lieu de 27. Ouais. Et donc, du coup, ils sont allés en français. Ils font bon, il y a des mecs qui veulent aller en Italie. Et tous les gars qui avaient pris latin me détestaient, quoi. Ils étaient là, genre, mec, on apprend une langue morte depuis 3 ans. On juste faire les latinistes le détestent. C'est ça, pour voir Pompéi et 3 boutiques à Rome, quoi. Et toi, t'as juste à venir comme ça. Et on y est allé en bus. Quand j'y repense, c'est des heures et des heures de bus, quoi. Si loin. Et du coup, il y avait des DVD, on avait maté, ça devait être ça, ouais, Jumanji, Madame Doubtfire, et Jeanne d'Arc aussi, je me souviens, parce qu'il y avait la scène du viol de sa sœur, là. Yes, et yes. Je me souviens de la prof qui fait genre, oh, attendez, et qui fait, qui fait juste, tu vois, un viol en vitesse rapide, en fait, donc c'est pas beaucoup mieux, quoi. Elle a pas arrêté pour avancer le truc, elle a juste fait le truc, où tu vois juste un viol rapide, un peu en mode Benny Hill, du coup, parce que le truc est accéléré. Donc voilà. Ah non, mais je croyais que tout le monde avait quelle ça, le quart avec un... Bah, si, après, bon, j'étais dans une école de gens très riches. Hein, où, ouais, bah, peut-être qu'on est un peu plus vieux aussi, les technologies n'étaient pas assez avancées à l'époque. Je veux dire une VHS. Oui, oui. C'est vrai que oui. Moi, j'étais... Plutôt, Jérémy, moi. Toi, pendant les fêtes, t'as redescendu un peu ? Moi, non, je suis allé dans ma petite campagne à Saint-Denis. D'accord. Et par contre, j'ai découvert à ce repas de Noël que j'étais breton. Allez, sachant que tu me vois pas, je suis complètement noir de BA. Mais ouais, il me fait ton arrière-grand-père était un breton. Et moi, je pensais que c'était un. Un prank ? Et du coup, genre, moi je pensais que c'était un Guadeloupéen qui était venu en Bretagne, il s'est installé. Non, c'est un blanc et qui est parti en Guadeloupe et qui s'est marié avec. Mais ça arrive souvent, et il me semble, je crois même qu'il y a des. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'en Guadeloupe, il y a des communautés de Bretons. Oui, genre c'est ça. Des marins qui sont. Dans chaque chassés, région en fait. De France, non, il y a des communautés mais, de Bretons. Les communautés sont hauches. En fait, les marins, il y a des marins qui faisaient des allers-retours et puis qui se sont dit peut-être plutôt rester en Guadeloupe qu'en Bretagne. Et du coup, ouais, j'ai appris ça. D'accord, donc, c'est super. Bienvenue, Canavo. On ne trouve que des références à la Bretagne. Voilà, c'est ça. Mais Canavo, c'est au revoir. Oh là là. C'est au revoir et bonjour, je crois. Ah, moi aussi, j'ai des origines bretonnes, mais je suis. Non, enfin, remarque. On a tous un peu. On a tous. C'est pas bonjour et au revoir, Canavo. Je ne crois pas. Parlez, je vais chercher. Les Bretons sûrs nous en voudront si on se trompe sur ce genre de choses. Mais la vraie, c'était. Ouais, bah, pardon. Mais on adore les Bretons. Les Bretons ouais. Ouais, on adore la Bretagne. Laissez-nous tranquilles. Là, les charrues, tout ça. Ouais. Le Mont-Saint-Michel, Matmata, enfin tout ça. Eh bien, moi, je suis redescendu à ma famille pour les fêtes, mais j'ai fait un nouvel an avec des amis. Et j'ai testé pour la première fois de ma vie, je n'en avais jamais pris, la bonne weed. J'avais jamais fumé de ma vie. Trop bien. Parce que je voulais pas le faire. Et là, je me suis dit, putain, c'est trop con. Et en fait, j'avais un pote qui fume quasiment jamais aussi. Il avait genre pas fumé depuis le collège ou le lycée, un truc comme ça. Et il m'a dit, viens, on fait un space cake à la base. On voulait faire ça. Et en fait, voilà, pour c'est commencer, ça. Ouais. Et on a commencé à regarder sur Google. Et du coup, il faut beaucoup de drogue, déjà. C'est quasiment surdraté, apparemment. Et en plus, souvent, les gens font des bads. Donc, on s'est dit, bon, bah là, ça fait quand même beaucoup de trucs qui sont un peu nuls. Yes, et moi, allons-y. go mais moi, je voulais pas fumer parce que j'aime pas du tout une cigarette ou tirer des lattes ou la fumée. Pareil, enfin, voilà, vraiment, ça me dégoûte, quoi. Du coup, on a demandé à une pote de nous préparer un bang avec une bouteille de badois. Ah, mais direct. Ouais. Et du coup, on a fait ça. Et du coup, pour la première fois de ma vie, eh ben, j'étais fonfon, les gars. Non, et vraiment. Mais t'as pas vomi toutes tes tripes parce qu'un bang, mec. Non, mais après, j'ai fumé très peu. La personne qui m'a fait fumer, vraiment, je pense qu'elle a fait tomber 16 personnes dans la drogue parce qu'elle était vraiment très bonne prof. D'accord. Ouais. Et elle m'a expliqué, elle a fait là, inhale, stop, c'est bon, recrache doucement. Enfin, vraiment, c'était baptême de. Enfin, elle baptême, quoi. Sur son abdomen. Et, c'est ça. Elle menaçait les tempes. Voilà. Okay, non, mais vraiment, c'était voilà, une prof, quoi. Et, et j'étais non mais surtout je comprends moi, c'est pour ça que je veux plus en refumer parce que je comprends l'addiction de ouf parce que c'est vrai que c'est agréable quoi. Genre vraiment j'ai vu 11 milliards de films sur les gens qui fument de la weed, j'ai vu des gens sous weed, j'ai vu des gens machin et vraiment ça, c'est vrai que ça fait rire bêtement et que tu comprends pas pourquoi et que moi ça m'engourdissait les bras, je comprenais pas pourquoi ça m'engourdissait les bras. Et surtout, c'était un soir où sur W9 il y avait le film Bouge avec Ophélie Winter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Très bien, que j'ai moi-même vu cette vacances là. Le célèbre Bouge où c'est une meuf qui veut. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le fais le résumé en deux. C'est une personne qui veut devenir chanteuse de dance française, hein, un peu. Ouais. Et qui s'acoquine d'Ophélie Winter dans son propre rôle. Exactement. Qui est une sorte de Madonna. Bah, la Madonna d'histoire, quoi. Ophélie Winter, quoi. Ophélie Winter. Et du coup, c'est un peu un rise and fall, c'est-à-dire qu'elle monte les échelons et puis elle s'acoquine d'un producteur, mais le producteur, il est véreux, ouais, elle est que son cul et machin. Et en fait, elle se rend compte que c'est ses vrais potes qui font du rap, qui s'appellent, putain, j'ai oublié leur nom, je rechercherai, mais qui sont joués par Samina Seri et Edouard Montout, qui font des jeunes de banlieue des années 90, donc qui disent « Wesh, ça va ou quoi ? Arrête un petit peu tes salamalecs !» et en étant défoncé, c'était très bien. Et ensuite, on a enchaîné sur un documentaire sur Michel Sardou. Yes. Donc une autre ambiance, hein, vraiment, l'opposé à peu près, et qui était génial aussi. En étant défoncé, c'était vraiment très bien. Mais voilà, donc du coup, très bonne expérience que je ne conseille trop à personne. mais que je conseille pas parce que moi, je suis content d'être maintenant un peu vieux et de m'en foutre parce que je pense que j'aurais testé à 16 ans. Je pense que je ne serais pas en train de faire ce que je fais actuellement et je serais en boule au fond de cet appartement. Non, tu n'aurais pas ce qu'il n'aurait pas. Tu serais en Bourgogne, là. Je serais dans mon car. Je serais dans mon bus. Ouais, je serais dans mon bus en train de regarder. Voilà, tu serais un tuffer, c'est tout, quoi. Donc voilà, ne touchez pas à la drogue. Mais vraiment, c'est agréable. On a des nouvelles de Canavo ou pas? Oui, ça veut dire au revoir, effectivement. Allez, alors, comment on dit bonjour? Et ça, je ne sais pas. Bonjour. Bécassine. Alors, je vais chercher ça. Voilà, bah, écoute, c'est notre fil rouge. Pour tous les Bretons, Canavo, les gars. On fera un Canavo général. Allez, enfin, allez, évidemment, oui, pour nous faire pardonner de ce peuple que nous avons offensé. Je vais te t'avoir dit au revoir. J'espère que tu me pardonneras. Les amis, nous allons parler d'un thème, d'un sujet. Nous allons parler année collège, année lycée. Juste, c'est extrêmement chiant à dire. C'est impossible à dire. C'est vrai, caricassu. Ouais. Voilà. Extrêmement compliqué. Magalaweg. Beaucoup trop long. Vraiment, il y a trois mots. Wesh, trois mots. Un petit yo. Un petit yo, les Bretons. on dirait un bonjour de YouTuber très spécifique. Alors, yo, les Bretons. Alors aujourd'hui, on va faire un unboxing. N'oubliez pas, Canavo. Tu crois pas si bien dire parce que à plus tard se dit à wesh, al. Plus loin, wesh, W-E-C-H, plus loin, A-L-L. Donc la street a tout à apprendre. La street a tout volé à la Bretagne. Tout volé même, tu vois. Non, on peut le dire. Comme les Kabyles sont les Bretons d'Algérie et tout ça, donc il y a toujours une connivence, c'est vrai, quoi. C'est tout. La première fois que tu l'as entendu, c'était chez Footcast. Donc oui, un thème pour parler collège et lycée. Mm-hmm. Je voulais parler de ces cases, de ces endroits où on nous met, où on se met tout seul. C'est Pierre qui m'a un peu soufflé cette idée en voulant parler des looks à la base. Oui. Tu voulais parler de ce... Alors, on se cherche toujours un peu beaucoup dans ces périodes-là. Exactement, on se cherche énormément. Je les ai un petit peu listés, ceux que j'avais en mémoire. Je ne sais pas si vous avez les vôtres. J'ai catégorisé les fouteux, les gothiques. Alors moi, je les ai moins connus parce que c'était un peu la version 2.0 des gothiques, les émo. Les intellos, entre guillemets, parce que des fois, ce n'est pas parce que tu es intello, c'est juste parce que tu avais des lunettes. Mais souvent, c'était ça. C'est ça. Les geeks, les populaires. Et je sais pas, j'en ai pas trouvé alors d'autres. Moi bizarrement les fouteurs de merde vraiment les métalleux. Ah, les métalleux, bien les sûr. Métalleux. Les babos. Les babos, ça, oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est très raciste comme terme, mais c'est les chouquins. Et pour nous, les chouquins, c'était les racailles. D'accord. Et donc, dans le collège, on appelait les chouquins, les métalleux. Il y avait toujours je cette dualité-là. Je pense que c'est raciste. Ouais, je vais miser là-dessus. Je vais pas regarder ça. Non, mais je sais pas. Mais bon, je sais pas si c'est breton ou pas. Non, je sais pas si c'est breton, mais j'ai peur de le dire parce que je suis seul à le dire, en fait. Et on disait toujours les chouquins. Truc horrible. Si voilà. Tu regardes sur Google, il y a des cas qui viennent chez toi. Genre, pourquoi vous avez tapé ça? Non, mais voilà, et du coup, ouais, les rappeurs métal, moi, c'était ça l'ambivalence. Il y avait deux communautés un peu les unes contre les autres. C'était les rappeurs et les métalleux. Ça, c'est sûr. Qu'il y avait moi, c'était les Ardos à l'époque. Ah oui, c'est vraiment breton, chouquin. Pardon, excusez-moi. C'est chouquin. Ouais, je t'ai coupé la parole. Une définition, c'est quoi? Un chouquin est un jeune s'habillant généralement en tenue de sport, casquette et compagnie. Ah, ça vient de. Quelqu'un de streetwear. En tout cas, sans blague, Indaplay a fait un article sur les 15 expressions que vous n'entendrez qu'en Bretagne. Indaplay, rappelons-le, c'était le... Ok, bon, voilà. Indaplay, rappelons-le, c'était le site de Fanta. Exactement, le site humoristique. Quand ils voulaient détrôner Combini, ça a peu fonctionné. J'enlèverai ça car j'aimerais toucher de l'argent de la part de cette marque. Toi, Pierre, tu faisais partie de quelle, entre guillemets, communauté? Quelle tribu? Ouais, c'est ça. Collège, moi, j'étais skater au début. Quand tu dis au début, c'est quelle classe? C'était 6e, 5e, tu vois. Bien sûr. Tout ça, donc j'étais skater. Et on après... rappelle que t'as des antécédents en termes de skate. Bah oui, car mon père était un des premiers champions de France de skateboard. Très stylé. Rappelons quand même son nom, Tony Hawk. Ça va lui faire plaisir, parce que ça, là, ils vont être aux Jeux Olympiques. Allez, ça y est, pour la première année. Après, c'était le vieux skate, donc c'est-à-dire saut en hauteur et slalom. La planche à roulettes, on l'appelait à l'époque. Exactement. Ouais. Mais c'était la période de Dogtown, vraiment. Ah on oui. savait pas faire vraiment des belles figures. Est-ce que vous faisiez ça dans des... Est-ce qu'ils faisaient ça dans des piscines vides, du coup? Non, parce que il y a eu cette chance d'avoir une rampe dans son jardin. Oh là là. Ah, bleu turquoise. Voilà, oui, un petit peu. Et donc, ouais, métalleux. Et après, métalleux. Mais c'est drôle, alors, parce que, excuse-moi, je me permets de rebondir. Tu avais le look skater, mais quand ton père est lui-même skater. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où, parce que souvent dans ces années-là, tu veux t'opposer un peu au style de ton père? Non, j'embrassais totalement. Et puis surtout, c'est la période où tu jouais à Tony Hawk Pro Skater. Donc, j'ai embrassé absolument cette culture-là. D'accord. Après, il y a Jackass qui va arriver après, pas trop longtemps après. Bien sûr. Et j'étais fasciné par ça. Après, j'étais pas trop écrase-merde Osiris, Détroit et tout ça, là, au niveau chaussures. Moi, j'étais Globe. Encore sur les Vans un peu compensés bleus. Donc voilà, et après. Délacé quand même, rassure-moi. Oui, délacé. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc après, j'ai frôlé un peu le baggy cannabis, un petit peu chum. Oh putain, c'est deux doigts de la baboserie, tu vois. La ceinture DDP. Et la ceinture DDP, j'ai eu la trousse DDP. Ah, bien sûr. Mais ceinture, non, j'avais la ceinture sweep, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, il y a. C'est une boucle en métal et t'as juste un petit. Avec des petites dents. Un petit bouton. Ah oui, non, d'accord. Fait juste le clac. D'accord. Ça fait le tour de ta taille et tu. Adrien, je cherche, je regarde Adrien, mais je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Bref, non, voilà. Attends, c'est Carhartt, les ceintures Carhartt qui étaient trop à la mode à l'époque. Mais tu sais que moi, je suis plus vieux, moi. Oui, c'est vrai. Bref, on s'en bat les couilles. Des bretelles. Des bretelles. Et après, ouais, le métal est arrivé quand j'ai réussi à avoir moins peur de Slipknot et d'être aussi, et d'être amoureux un peu d'une fille. Qui était à fond Deftones et Korn. Et c'est là où j'ai entamé ma transition. Est-ce que ses manches du coup étaient trop longues par rapport à ses bras, comme tous les fans de Deftones et de Korn à l'époque? Non, elle avait le baseball. Une mitaine? Les mitaines. Ah bien sûr, la célèbre mitaine. Ouais. Et puis le collier boule. En bois? Ah non. Non, ça c'était ça, c'est des babos ça. Ouais, mais. Avec les pattes de fimo et tout ça. Boules en quoi? Non, boule argentée, métal. Ah d'accord, métal. Des boules en céramique. Un truc très. Ouais, la castafiore. Et c'est un peu l'amour, entre guillemets, qui m'a fait switcher dans le métal à fond. Parce que tu t'es dit, je veux plaire à cette personne? Bah, je veux comprendre ce qu'elle écoute et tout. Ouais. Et surtout que je la voyais super indépendante, parce que pour elle, Marilyn Manson et Slipknot, c'était cool pour elle. Et moi, Marilyn Manson, j'ai dû attendre le documentaire Bowling for Columbine pour me outer auprès de ma mère. Genre, bah voilà, j'aime bien ce type-là. Parce qu'il a vraiment un discours très intelligent. Et j'étais genre, bah voilà, c'est cool. Et j'ai pu vraiment sortir du placard à ce niveau-là. C'est très drôle parce que j'ai fait la même que toi, dis-toi. Moi, je lui avais montré, en fait, je lui avais montré, parce que moi, j'aimais bien montrer, j'avais des trucs un peu de rebelle. Je voulais montrer à mes parents, je regardais des trucs de Deglingo, quoi. Tu vois, j'étais là. Donc, moi, j'avais montré un DVD live où il se pissait dessus à un moment. Marilyn Manson. Ouais, Marilyn Manson. Ah, et genre l'affiche, c'était juste un gros plan de son visage. Je sais pas, ça s'appelait Guns and Loads et je sais pas quoi. Bon, voilà, Marilyn Manson quoi. Et il y avait un moment où il était filmé en contre-plongée et il se pissait dessus et ça goûtait sur la caméra. Et voilà. Et j'étais, moi, je montrais ça à ma mère, genre, ouais, t'as vu, c'est trop bien, c'est trop un fou, machin et tout. Donc elle m'avait dit, bah, t'es un cinglé, vraiment, voilà, n'importe quoi. Et donc, pareil, plus tard, quand j'ai vu le truc de Bowling for Columbine, j'ai fait, oh, regarde maman. Et ce qui était trop bien, parce que le documentaire de Michael Moore, il y avait aussi South Park, où tu pouvais dire, regarde, South Park, c'est super intelligent aussi, regarde, il dénonce quand même le puritanisme américain et tout. Bon, ça ne marchait pas. Hein, non, ouais. Moi, c'est ma mère qui m'a acheté mes cassettes South Park. Ah ouais, l'époque, Moi j'utilisais mon arrière-grand-père parce qu'il avait Canal Plus et du coup j'enregistrais sur son magnétoscope. J'ai mon petit Florent. Je t'ai enregistré les gros mots. Merci papy. Merci beaucoup. Moi je me souviens que mon père m'avait interdit de regarder South Park parce qu'on était chez des amis et vraiment il a juste vu ce clitoris géant à la fin du film. Et je lui fais, c'est quoi ça? Non, t'inquiète. Et vraiment j'ai pas le droit de regarder ça. J'ai mis en interdiction. Pardon. Vas-y. Non, interdiction, moi c'était DBZ. Ah ouais? Oh non. J'étais interdit de manga à cause de Ségolène Royal. Voilà. Ah bah oui, bah bien sûr, voilà. Comme tout le monde. C'est triste. Moi, le clitoris, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le gag de fin du coup. Ouais, on le cherchait dans un dictionnaire. c'est écrit petit organe érectile de la vulve. J'ai fait, aucune idée. On verra ça plus tard. Jusqu'à mes 28 ans, moi, où j'ai compris ce qu'était un clitoris il y a un mois et demi à peu près. Et j'ai fait, ah ok, le film. Du coup, j'ai rigolé pendant ce temps-là. Enfin, c'était horrible. Jérémy. Dans quelle catégorie tu t'étais mis à l'époque ou t'a-t-on mis à l'époque? Bah les Bretons, j'ai mis. Je m'en souviens plus, ça. C'est parti, tu vois. Non, moi j'étais dans la catégorie moyen nul. C'est-à-dire où il y a, on n'a pas de case. Ouais. Mais moi, non mais ouais, moi pareil. Moi on était là, on avait on avait un gang qui s'appelait le cercle parce qu'à chaque fois quoi, en récré on se réunissait. En fait il y avait plein de gens de différentes classes. Et on s'est réunis par défaut. Ouais, d'accord. C'est le bac à légumes. On s'est réunis en cercle. Et du coup, on s'appelait le cercle. Bah, il y avait Chasso, d'ailleurs, à l'époque. Rentre dans le cercle. Et du coup, ouais, genre, on n'avait pas vraiment de cases. Mais après, ouais, en passant au lycée, je suis rentré dans la catégorie un peu à l'époque de 50 Cent baggy. Ouais. Sauf que moi, en tant que Renoir, je mettais mes baggy au niveau du nombril. Et personne ne m'a jamais dit que j'étais claqué. Trop grave. Et ouais, du coup, j'ai des looks un peu mystiques hein, quand même. Ça t'a duré jusqu'à combien, jusqu'à quel âge à peu près? Franchement, seconde, première... Ah oui, jusqu'au lycée quand même. Ouais, ouais, tout le lycée, ouais. D'accord, ok. Tout mystique. Ouais. Très bon délire. Parce que moi, je m'étais arrêté au collège, ouais, c'est vrai. Enfin, dans métalleux, et après, j'avais d'autres switches. Et le lycée, c'est là où c'est un peu compliqué, où tu te surcharges, quoi. Voilà. Là, c'est n'importe j'ai quoi. Des bandeaux 50 Cent, plus la casquette. Ah, yeah. En plus, c'est où je commence à... Oui, mais vraiment, j'ai vraiment un truc comme ça. Et je commençais un peu à m'intéresser au théâtre et tout. Et je me rappelle, j'étais rentré dans une agence de pub et j'avais payé, je sais pas, 900 euros le book. Et à l'époque, c'était pas numérique, c'était sur papier où tu devais envoyer et tout. Ah ouais, putain. Et du coup, j'ai vraiment une photo. On peut la voir. J'ai une casquette rouge, le bandeau noir qui me tourne la tête, t-shirt rouge avec un gros baguette avec des gourmettes. Ridicule. Ridicule, mais vraiment. Tu mets ça sur Insta ce soir. Est-ce que t'avais ce fond un peu, tu sais, t'achetais de studio, tu sais, le truc des enfants, là, ouais, bleu délavé, là. Non, c'était sur un fond blanc. Et en plus, enfin, le photographe s'est vraiment foutu de ma gueule. J'ai vraiment un truc, j'ai une chemise à rayures et tout. Gourmet toujours, la chemise un peu ouverte, et genre je suis comme ça, j'ai un bras appuyé contre un rebord de fenêtre comme ça. Ça fait vraiment le vieux et antillais, le poetic lover. En plus, j'ai un pantalon de ville avec des chaussettes de sport Adidas, ça veut rien dire. Non, mais faut montrer ça un jour. Je veux qu'on fasse un portrait robot de cette photo. En vrai, il y a des photos. Envoyez qui vos fan art que vous imaginez, quoi, ce que vous inspire cette image. Non, mais pas les autres, parce qu'il y a des photos, genre pour mon anniversaire, le Whoop, ils me font joyeux anniversaire, ils me taguent. Oui, mais sur ces photos. Ah, donc, mais donc j'ai dû en voir peut-être, parce que j'ai dû me passer ces photos. Ouais, non, j'étais vraiment mystique. 900 balles, putain. Mais en plus, l'agence, c'était en vrai, je crois vraiment que c'était une agence. En fait, ils prenaient des gens, ils prenaient un maximum d'argent et ils disparaissaient. Je retourne. À chaque fois, j'allais voir le mec qui était censé s'occuper de moi. Il me faisait « Oh, James, il est malade. Oh, il est en voyage. » Je l'ai jamais... J'ai payé. Et un jour, j'arrive à cette agence et il n'y a plus d'agence. Oui, d'accord. Il n'y avait plus de James. C'était une boulangerie. Depuis le début, c'était une boulangerie. Il y avait un gars qui avait un 5D et c'est terminé. Sylvain, est-ce que tu étais est-ce que tu étais pareil que Jérémy, tu avais ton cercle ou est-ce que tu avais une case un peu plus Non, j'avais ouais un peu le même parcours que Pierre Lapin, peut-être pas après tout le côté métal, je suis pas allé si loin, enfin tu vois, j'écoutais un peu de Dream Theater, du métal symphonique. Monsieur Prod. Bon, c'est vraiment un pote qui a dit écoute ça, il m'a fait écouter ça tout le temps, donc j'ai écouté du Nightwish voilà, avec l'ancienne chanteuse. Ah bien sûr. Évidemment. Non mais tu vois, c'était un peu ça, c'était la période skate, parce qu'un jour ils ont construit un skatepark dans la ville de mon lycée et on y allait même quand on était au collège, évidemment. Et est-ce que vous y alliez sans faire du skate? Parce que nous, on allait bien au skate. Ah non, quand on skatait. On y allait aussi. Parce que nous, on passait 21h, on y allait, puis on buvait des bières, mon gars. Ah ouais, il y a assez sur le skate pro et tout. Bien sûr. Mais des binges, exactement. Des binges. Et ouais, non, c'était ça. C'était un peu la période skate où t'en avais un peu rien à foutre de t'éclater la gueule. Alors que là, maintenant, je m'écorche sur un truc, je souffre. Je revenais le bras en sang, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait ça. C'est vrai qu'on est d'accord que c'est une douleur qu'on oublie, la douleur croûte arrachée. C'est quand tu croûtes et t'essayes un peu de l'enlever et c'est un peu horrible. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette douleur. Moi, je fais tout pour cicatriser au mieux maintenant. Ouf. À l'époque, t'aimais pas cicatriser, ouais, tu laissais vraiment la grosse truc dégueulasse en disant ouais, bah, je me suis fait ça en skate, ouais, désolé, les gars. Alors, maintenant, tu mets un bandage et tout. Planque. Et voilà, c'était ça, c'était collège. Un peu lambda, discret. Je faisais partie des premiers de la classe au début de mon collège. Ouais, tu vois, alors, c'était un peu bizarre, mais ça a très vite déchanté avec l'arrivée de la DSL. Vraiment, c'était. Mais tu mets deux courbes à côté, c'est Counter-Strike. Ah, c'est ça. Counter-Strike MSN, tu fais allez hop. Ça dégage. T'as MSN, c'est un game aussi, ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est un peu le même parcours. Ouais, je te dis, skate, après un peu plus métal et tout ça. Des pantalons Cannabich. J'en ai acheté un là, tu vois, ce Noël, parce qu'on m'a dit fais du tri dans tes merdes. Donc j'ai fait du tri dans mes merdes. et j'avais de très beaux pulls et pantalons Cannabich qui étaient bien trop. Moi, dans ma Bourgogne natale, il y avait une boutique qui faisait ce genre de vêtements et ça s'appelait Point Break. Donc déjà, ça avait 5 couleurs. Et du coup, ouais, c'était que ça. C'était DDP, Cannabich, machin et tout. Toi, Adrien, c'était quel genre de... T'étais dans quel style, en fait, alors, sur vestimentaire? Parce que déjà, tu nous as commencé en disant, moi, c'était pas les métals, c'était les hardos. Bah, de mémoire que j'ai, les hardos, il y a du jean, il y a du patch, il y a du... Voilà, bah moi, voire même du cuir. Moi, j'étais hardos, mais genre en 6e, quoi. Genre, mais même avant, en fait, enfin, bon, là, on parle du collège, mais moi, je pense que j'ai chez moi une photo de classe de genre CM2 ouais. ou CM1, où je suis, j'ai la nuque longue, j'ai un t-shirt Iron Maiden et j'ai une bague aigle. Ah oui! Ouais, non, mais oui, voilà. Non, en fait, parce que mon frère était hardos, et du coup, moi, je m'étais inspiré de mon grand frère. Ah, normal. Et voilà. Ouais. Et ce qui lui permettait, lui, à mes anniversaires, de m'offrir des albums de Metallica et de les garder pour lui après. Ce qui était pratique, tout le monde s'y retrouvait très bien. Et donc, moi, ouais, je suis arrivé en 6e, j'étais toujours hardos de la primaire, en fait. D'accord. Puis après, bon, j'ai abandonné ça. Et je suis passé par des. Après, j'étais plutôt genre lambda. Un peu insignifiant, quoi. Ouais. On est là, mais. Ouais, nulos. Ouais. Présent. 10,5 sur 20, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, c'était 12. Ce chiffre symbolise. Ouais, c'est 12. C'est bien. Pas mal, mais voilà, on retient pas. Personne va célébrer un 12. Tu vois. Mais j'ai eu des phases quand même. Je sais que j'ai eu une phase où je mettais des pantalons africains. Non, Sarwell. Yes. Non, c'est plus les motifs en fait. Le petit lin léger, c'était du wax. Le youtubeur wax. Ouais, c'est moi, wax. Je fais des solos. Le compte Twitter. Non, ça s'appelait des pantalons africains. Après, c'était sans doute un abus de langage raciste de dire ça, mais ça s'appelait comme ça. Mais c'est des Saint-Germain-en-Laye. Ouais, c'était avec des espèces de motifs. Mais je parle d'il y a longtemps. Hein. C'était les années 90, quoi. D'accord, ouais. C'est des motifs. Mais ça revient en ce moment, en plus. Ouais, peut-être. Je sais pas. Putain. Mais moi, du coup, de pantalons africains, j'avais aussi des trucs genre... j'avais dévié vers des espèces de... J'ai porté une salopette à une époque à carreaux. Oh mon Dieu. À carreaux. J'arrive même pas à la visualiser. C'était des très petits carreaux, mais... C'est un jean ou pas? Pas du jean, non. Enfin, du tissu bizarre. Enfin, oh tu vois, là. J'ai passé des espèces de... vraiment pas à l'avoir. Des pantalons à carreaux, chelous, machin. Je vois un damier, quand même. J'ai une photo, faudrait que je la retrouve, mais très très compliquée, où c'était très très long en plus à faire, je m'étais fait genre des petites pointes avec des élastiques, des pointes de cheveux en fait. Genre, oui. Je sais pas comment décrire ça. En fait, plein de petits chignons. Tu prends une mèche de cheveux, chanteur de 2 cm, tu t'entoures en élastique, ça fait un petit, comme un petit chouchou, quoi. Ouais, un petit palmier, et tu te fais ça sur tout le haut. Et c'est pas avec les élastiques colorés, rouge, vert. Ouais, moi, je crois que c'était avec des élastiques, genre de la cuisine de ma rhum, quoi. Yeah. Et je m'étais fait ça pour une soirée, et je l'avais gardé peut-être 2-3 jours. Pour voir l'effet que ça faisait, quoi. C'était grotesque, hein, vraiment. Ah oui. Et en plus, la photo que j'ai, j'essaie de faire une gueule, genre, je suis un déglingo. Faudrait que je la retrouve. On la mettra à côté de la photo de Jérémy. Voilà. Moi, si je la retrouve, je suis prêt à. En fait, c'était un peu la mode de Trainspotting, Acid House, un peu déglingo smiley. C'était, et tout, je crois, trafic, c'était quoi. Avant Trainspotting. Okay, hein. Ouais. Trainspotting, c'est bien après cette époque. Hein. moi, c'était, je sais quel pas, âge, non, moment-là, c'était à peu près très chine. Quel âge, je sais pas, je devais être en troisième. Ah oui, d'accord. Quatrième, troisième. Ouais. Ça reste encore donc les années. Je sais pas quel quoi. Âge on a. J'avais quoi, 15 ans. Ouais, 15 ans, 14 donc, ans. Ouais. Donc 95. Ouais, d'accord. Et c'est Trainspotting. Ouais. C'est après, non, Trainspotting. C'est un peu ces eaux-là. Bon, enfin, ces eaux-là. En tout cas, c'était pas du tout inspiré par Trainspotting. D'accord. Mais Trainspotting était inspiré de lui, de toi. Le personnage, la défonce, c'est ça. Grave. La critique de la société et tout. Moi, la salopette, je l'avais tenté aussi, mais alors vraiment salopette en jean. Et je me souviens qu'à l'époque, pour faire un peu genre. J'en ai rien à foutre de tout ça. Je mettais qu'une bretelle, bah soit oui, les photos de meufs sur Instagram, quoi. Quand elles ont des salopettes. Ophélie Winter. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment juste une bretelle, donc un peu nul en vérité. Mais si, j'ai testé une fois, plus jamais. Moi, j'avais la salopette jaune DDP. Elle était pas si mal. Ça, c'était primaire quand même. Tu la regrettes un peu là. Ouais. C'était à l'école primaire. Oui, ça va. Moi, l'école primaire, je crois que je l'ai dit dans un podcast, tant pis. Ma mère vend des fringues en fait. Et ma mère est partie dans un des. Quel était ce aller sa mère, elle vend des fringues, carrément. Et en fait, ma mère était partie dans ce délire fou d'habiller les deux frères exactement de la même manière. Et moi, j'étais le grand. Et donc, du coup, avoir les mêmes fringues qu'un gamin qui a 4 ans de moins que toi. Donc, quand t'as 8 ans, il a vraiment 4 ans. Donc, c'est vraiment des vêtements de bébé. T'as des petits bateaux. Ouais, et puis les photos sont ridicules, quoi. Tu fais, vous êtes habillé pareil. Regarde les jumeaux. Non, ils ont 4 ans d'écart. Il y en a un, vraiment, t'as l'impression qu'il a arrêté de grandir, quoi. C'est big. Tu te dis après, pourquoi il a des problèmes avec collectionner des figurines et tout. Dès qu'il avait 8 ans, l'habillait comme un enfant de 4. Donc, peut-être c'est un peu lié, quoi. Et voilà. Mais moi, le truc qui m'a marqué vraiment dans le switch collège-lycée, c'est que moi, c'est un peu une fierté, mais on a dû passer le cap de baggy à slim. On a été un des premiers crew au lycée. Et quand on a passé le pas du slim, c'était fou. Oh là. Déjà, on se faisait taper. C'était un gros changement. Enfin, pas moi, parce qu'il faut savoir que je vous parle tout ça, mais à toutes ces époques-là, j'étais en fauteuil roulant. D'accord. Donc, je cherchais en fauteuil roulant. C'est compliqué, quoi. Mais j'avais tenté le slim quand même. Ouais. J'étais content, mais tous mes potes, on se faisait hagard, pour pas employer les grands mots, à longueur de journée. Et quand on a vu les kids commencer à mettre des slims, on était genre... C'était nous. Et toute cette période, Libertines, où tu quittes le métal hardcore pour partir un peu sur rock, Brian Jones and Massacre Libertines, où là t'as un rock. On est d'accord que t'étais pas en fauteuil roulant après t'être fait tabasser pour avoir mis un jean. C'était après, on m'a tabassé pour les cheveux longs. Après, on est d'accord que t'avais pas mis un fauteuil roulant pour le style. C'était pas pour une case. Non, mais parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous entendent, c'était pas une mode des années 90-2000. Non, pas. Écoute, le skate, c'est trop cher. En revanche, un fauteuil roulant, c'est remboursé par la sécu, franchement. C'est toi qui cherche un style. Je tente ça, je vais le roulant. Je voulais l'essayer. Et yo les nazes. J'ai une minerve. Je faisais des wheeling d'ailleurs. Pour l'anecdote, on jouait à Mario Kart. Enfin, il y avait que moi qui jouais parce que j'étais sur un fauteuil et les gens me balançaient des bâtons pour essayer de. Les gens te poussaient. Moi, j'étais à moitié semi-électrique. Donc, je faisais tout le tour du lycée. Je prenais genre 150 mètres d'avance. D'accord. Et les gens me coursaient et devaient essayer de m'avoir avec des bâtons. T'étais content. Oui, t'étais bien sûr. Et on jouait à Mario Kart. Mais attends, ils jetaient des bâtons dans les roues, littéralement. Ils essayaient vraiment de t'arrêter en fait. Pour briser ton engin de transport. Pour ruiner ta vie, quoi. J'imagine que ça vaut un putain de bras ce truc, motorisé. Est-ce qu'ils ont déjà réussi? Non, parce que mes roues étaient trop fortes, motorisées. Évidemment, elles brisaient. Le bras se brisait sur les roues. C'était assez marrant dans la recherche de soi, parce que tu vois, quand t'es en fauteuil ou quand t'es myopathe et tout ça, tu dois avoir l'image du bon myopathe. Et là, t'es dans l'adolescence où t'as envie de te droguer, d'alcooliser et niquer des meufs, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a la morphine qui est une sorte de drogue. Que j'étais déjà sous morphine à l'époque. Donc tu te droguais déjà? Ouais, j'étais déjà. Voilà, ça s'arrêtait là en fait. Voilà ta case. Stylé, mon pote. Et c'est assez marrant parce que du coup, t'es avec les profs où on t'a toujours dit oh, c'est pauvre. Nanana, ouais, et puis toi, t'es là, allé faire foutre quoi. C'est ça. Ouais. Et c'était vraiment un truc, enfin, ce carcan que je voulais niquer absolument. Oui, parce que en plus, t'étais fan de Jackass, toi. Donc, ah oui, en plus, à fond. Mais j'ai fait tous les délires, les conneries. Et puis même quand j'étais en photo roulant, je tentais le skate. Enfin, je me rappelle, je me suis fait des blessures atroces. Ah ouais. Enfin, je me rappelle, un des pires mensonges, c'est qu'on m'avait traîné derrière un skate, derrière un scooter. Avec son fauteuil? Non, je me suis assis sur le skate. J'étais dans le fauteuil. Et on aurait pu tenter, c'est vrai. Ouais. Et je me suis tollé, mais sur la tête, j'ai rebondi sur la tête. Et j'avais une grosse blessure. Et la première réaction, au lieu de dire « est-ce que je suis vivant ?», c'est genre « qu'est-ce que je vais dire à ma mère ?» Et je sais qu'on a brainstormé pendant une demi-heure pour trouver au final le fait que Lady, le chien de mon ami Renaud, qui est un chien qui doit faire 4 kilos, m'a emporté et m'a mis dans un fossé. Bon, ils l'ont fait dégager depuis, mais. Et bref, ça a marché. Et voilà. J'espère que ma mère va pas écouter ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme dit Sylvain, ils ont buté le chien. C'est horrible, quoi. Mais au moins, t'as l'air de une adolescence un peu compliquée à vraiment te transcender physiquement et arriver à dire non, je suis pas que le petit gentil myopathe. Mais oui, bien sûr. Et c'est assez marrant. Donc, vestimentairement parlant, imaginez ça en fauteuil roulant, c'est assez ridicule. Surtout les baggies, imaginez, quoi. Enfin, déjà, quand tu t'assois, ça fait vraiment jupe. Bref. C'est pour ça, les slims, ça m'a un peu sauvé mon style après. Putain, moi, le slim, c'était pas possible parce que. Bah non, mais parce que moi, j'étais. D'ailleurs, je suis toujours un petit peu, comment dire. Fort. Un peu fort. Un peu, voilà, j'ai un gabarit. Et à l'époque, j'étais très mince. Mais j'avais déjà ce bassin et ce cul. Je l'avais vraiment. Ouais. Hein, c'était bon, voilà, c'était n'importe quoi en termes de visuel. C'était une bouteille d'orange. Voilà, gros, c'est ce qu'on dit. En voilà, c'est ça. Et du coup, le slim, mais c'était impossible pour moi parce que bah j'arrivais. Puis je trouve. Mais tu le vivais mal. Je le vivais très mal parce que j'en avais acheté un, histoire deux quoi. Et l'enfiler, et toujours d'ailleurs ça maintenant, enfiler un jean près du corps quand t'aimes pas tes formes, des fesses, des culs et ces machins comme ça, c'est le truc le plus humiliant vraiment. Ouais. C'est vraiment. T'es là, genre, tu sais que t'essaies de le mettre, tu sais, c'est l'épisode de Ross dans Friends quand il met le cul le pantalon en cuir quoi, tu sais, là tu le fermes, t'es pas bien, tu te regardes dans un miroir, le t-shirt était un peu large, oui, bah donc oui. En fait ça te fait vraiment un corps tout chelou, donc nul. Donc moi je suis resté au baggy jusqu'à la fac. Ah ouais, donc, moi, donc je suis passé de mec à la mode au collège à énorme ringard à la fac où vraiment on m'a dit mais mec arrête, et du coup à un moment les baggy n'existaient plus. Et mais jusqu'à, je parle de ça, c'est jusqu'à Suricat. Hein. Ah ouais. Les baggy n'existaient plus, donc j'achetais des jeans grande taille pour des gens qui étaient vraiment en surpoids fort. Quoi. Et je mettais une ceinture, sauf que c'est encore moins bien qu'un baggy parce que vraiment ça n'a aucune forme. Oui, c'était pas fait pour. Et c'était immonde. Quoi. Enfin, les gens peuvent le voir, j'avais fait un street style à l'époque. Ah oui, avec le pire sans doute de la chaîne. Le pire de la chaîne. Parce de que vous Mademoiselle. Êtes vraiment très mal habillés tous les deux. Quoi. C'est l'enfer. C'est Vincent qui est là. Je rentre, je regarde ça. Ça ne ressemble à rien. Et Vincent, déjà, il porte un manteau qui est vraiment. Deux tailles au-dessus, ça n'a aucun sens ce street. Je vous invite à le regarder et à laisser le commentaire nom de Dieu. Ouais, donc une recherche très tardive. Quoi. Bah, ah ouais, bref, mais même maintenant en vrai, enfin là c'est juste. Moi j'ai eu la chance que la mode m'a rattrapé, à savoir mettre des t-shirts. Enfin, j'ai la chance que Star Wars en gros soit vendu à Adidas, Vans, Uniqlo, voilà, que toutes les marques de grande distribution, H&M, tout ça, mettent des références. Et maintenant récemment, ça m'a amusé parce qu'ils ont fait, ils font ça avec le métal. Genre H&M, Vans Slayer, Kanye West s'inspire des formes de Iron Maiden, de trucs comme ça, Rihanna, des t-shirts T-shirts Iron Maiden, c'est tout le monde en met là. Ouais, et ça coûte 80 balles, enfin, c'est ça qui est ouf. Bah ouais. Donc, qui est-ce que t'es les précurseurs Exactement, et ça rejoint une question parce que je vous ai invité sur Facebook, à vous pas du tout Facebook, sur Curious Cat, parce que comme ça c'est anonyme, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne spammez pas vos amis, parce que des fois les gens me demandent mais pourquoi tu utilises ce site vraiment daté et que personne n'utilise. Bah, ça vous permet de laisser des trucs anonymes sans faire chier votre entourage. Bref, qui disait, est-ce que du coup vous êtes fiers que vos hobbies slash passions soient reconnus et adoptés par beaucoup aujourd'hui, alors qu'à l'époque le regard des gens était pas ouf? Bah, quelqu'un veut réagir, peut-être Sylvain, Jérémy. Tu veux dire, mais c'est un peu le truc de les geeks avant, c'était. Mais c'est un peu ça, non? Oui, oui, je pense que c'est ce qu'il. Ça part du principe qu'on est tous des geeks déjà. Donc la révolte génère le métal de base. Non, mais c'est vrai que les geeks. C'est vrai que ça marche. Oui, non, c'est vrai que ça s'adapte. Est-ce qu'il y a une certaine fierté ou est-ce qu'on s'en bat un peu les couilles? Bah, c'est plus pratique pour se flinguer, du coup. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, pour mais Ken aussi. Un peu moins. Ouais. Je vais faire piquer le reste. Non, mais je sais pas. Moi, je le vois pas comme une revanche, quoi, que ce soit. Enfin... Non, mais c'est vrai que c'est pratique, en effet, parce que si tu veux commander un t-shirt à la con en référence à ce que t'aimes, bah, tu te casses déjà moins le cul. Ouais, c'est mais, et voilà. Et puis, bon, de toute façon, maintenant, tu peux bien t'habiller n'importe comment. Pourquoi tu rigoles du tout? Parce que. Au lycée, j'avais un... j'avais un truc près du corps noir, très moulant, avec un logo Superman, Astras. Et le baggy. Et il y a la photo. Non, mais... photo de classe. C'est vraiment abusé, du coup, genre, j'étais vraiment dans mon monde en pensant que c'était... c'était stylé. J'étais là, quoi. Abusé. Et du coup, pour répondre à la question, est-ce que t'es content d'avoir pu acheter ce t-shirt? Je crois qu'à aucun moment, je me suis dit, on me juge. j'ai pas de revanche, je crois que c'est... Attends, on a vécu la tectonique, les gars. Enfin, ouais, vraiment, toi, t'as subi ça aussi, mais... Non, j'ai essayé d'apprendre en cachette dans la cave. On apprenait dans la cave de mon pote à danser en cachette à... Pour pas être indien si on vous demande, quoi. Ah ouais, la tectonique. À maîtriser, ouais. Ah putain, moi j'étais un peu en rébellion contre la tectonique. Ah ouais, ça me fascinait. Et puis surtout qu'ils nous prenaient nos slims. Et tu nous prends nos slims. Ils les souillaient, ouais. Personne n'a fait de la tectonique autour de la... Adrien, non. Ben moi, j'ai 33 ans. Hein. Ma question, c'est oui, toujours. Peut-être non, pour la blague, ans, mais jamais. Non, personne n'a appris. Nous, on avait flairé le faux coup. Tu vois, ouais, on sentait que ça allait chuter assez vite. Mais... Moi, ce que m'avait dit mon frère quand il y a eu la tectonique, quand il a vu de la tectonique, il m'a dit « Mais tu danses comme ça depuis, depuis toujours !» L'espèce de geste un peu... les gestes de bras, en fait. Les espèces de moulinets de bras. Il a dit « Mais tu danses comme ça depuis toujours, en fait. » Juste passer de bande-son derrière. J'ai inventé la tectonique. C'est là où vous voulez en venir. Trainspotting, c'est inspiré de moi. Iron Maiden, c'est moi. Moi, ma meuf était championne. Enfin, pas championne, mais elle était professionnelle de la tectonique. Attends, parle quoi ? Attention. C'est professionnel, hein ? Pour être professionnel, puisque ça a duré. Ah bah oui, elle est devenue très vite. Ouais. Et surtout, quand elle a un petit coup dans le nez, tu peux la relancer assez facilement. Tu peux mettre un... Donc, on est sur de la danse irlandaise et de la tectonique. Oui, les deux. Bah, elle est férue de danse. Et derrière ce grand corps se cache une passionnée de danse. Ça, alors, avec un spectre très large. Mais... C'est prévu sur de la tectonique. Ce sera miel. Enfin, un terrain d'entente. Tu vois, on l'a trouvé entre ta meuf et moi. Quoi. Oui, parce on va parler de danse. Rappelons-le. Elle te déteste. Elle me hait. On va parler de danse et ça va créer des liens. Disons qu'il y a un angle à adopter. Il y a un angle à adopter à ce niveau-là. Ouais, non, mais surtout que maintenant, je trouve que toute la mode QWERTY et tout, je trouve que justement, c'est. Alors, qu'est-ce qu'est la mode QWERTY? Mais QWERTY, c'est un peu le site de t-shirts. Ah oui, bien sûr, avec un genre de t-shirt. Pour le coup, mais le genre truc Doctor Who, c'est le nouveau vodka connecting people pour moi, tu vois, maintenant. Oui. Oh là là. Et ça devient tellement galvaudé que. Tu viens de me mettre une vague. Ouais. Universelle, tu vois. Bien sûr. Universe, c'est des nouveaux goélands, en fait. Une vague de logo 3310 dans ton visage. Déjà, le site goéland.fr, c'est un bien boutique goéland. Sauver un panda, manger un bambou. Manger un panda, sauver un bambou. C'est ça. Sauver un bambou, manger un panda. Voilà. Sauvons les bambous, tuons les pandas. Voilà, c'est ça. Des t-shirts vieilles charrues. T-shirt corner. T-shirt corner maintenant, c'est ça. Les pubs Facebook. C'est vrai que maintenant, c'est attachant maintenant. C'est ça, les people, c'est attachante. Oui, c'est les nouveaux. Les trucs grades, quoi. Ou les trucs. Je diverge, mais parfois je débite. Exactement. Je peux pas, j'ai aquaponé. Papa au rhum, ça on l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit dans notre. Mais moi j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle, je fais une légère digression, parce que je suis tombé sur un site très précis dans les t-shirts créés. J'étais tombé sur 2-3, je les avais partagés sur Twitter. C'était en fait. Astérix et Obélix dans absolument toutes les situations. Donc t'avais un t-shirt avec Dark Vador et Astérix et Obélix, t'avais Astérix et Obélix avec le logo des Beatles de profil. C'est des t-shirts officiels Pas du tout, c'est des trucs faits à la rage, dégueulasses. Okay. Et il y en avait un magnifique où c'était Obélix qui faisait de la gravure sur un menhir et c'était les deux tours jumelles du World Trade Center. Et il y avait écrit We never forget 11 septembre 2001. Donc le site s'appelle Tizili. Je sais pas pourquoi je ris, mais je suis dans l'attente là. Je vous en lis quelques-uns. Alors je vais aller sur les incontournables. Enfin, moi, ça me rend vraiment triste ces trucs. Alors il y a le célèbre. Je suis la reine des licornes. Je fais pipi rose. Je pète des papillons et je rôde de la poussière de fée. Tout ça sur un t-shirt. Ça me rend extrêmement violent. Ça. Ouais, c'est. On est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef avec une tête de mort. Oh, ah yes. Mais c'est ironique, c'est pas possible. Jack a dit. Alors ça, c'est un t-shirt Jack Daniels. Il y a écrit Jack a dit l'alcool est ton ennemi. Jésus a dit aime ton ennemi à faire classer. Et c'est trop long, putain. Mais je commande. C'est le script du Seigneur des Anneaux sur un t-shirt. Il y en a un, bah justement, je ne crois pas si vous allez me dire. Je suis une liseuse de livres. Cela signifie que je vis dans un monde imaginaire de fous avec des attentes irréalistes. Merci de votre compréhension. Attends, mais. Non, parce que vous montrez un t-shirt dans le jeu. Je ne peux pas vraiment vous le montrer. Non, mais c'est sur Facebook. Est-ce qu'il y a des mots sur les manches et dans le dos ou pas? Parce que tout est vraiment sur le truc. C'est Carly et tout. Non mais c'est extraordinaire et faut essayer de vous trouver les plus bourrins parce qu'il y en a vraiment des dégueulasses. Attendez, c'est sur les trucs trolls, j'y crois pas. Non mais c'est des vrais trucs. Après, est-ce qu'il y en a genre qui sont un peu badass parce que ça c'est drôle aussi. Bien sûr. Genre si tu regardes ma meuf, je te défonce la gueule mon pote. Mec, alors il y en a un, c'est je n'ai pas besoin de thérapie, j'ai juste besoin de jouer de la batterie. C'est tellement des niches. Mais c'est ça en fait, et après ils sponsorisent à balle sur les batteurs. Et puis tout le monde là. Alors là, je suis dans la catégorie pêche. donc c'est très précis. D'accord. Parfois c'est un poisson, donc là il y a un poisson. Ouh là là, parfois c'est une cuite, là il y a une petite bouteille. Mais en tout cas, j'attrape toujours quelque chose. Attraper une cuite, ça se dit pas. Non. Attraper une cuite, ça. Pas du tout. Attraper une cuite là. Attraper un rhum, il y aurait eu un jeu. Ah putain. Non mais c'est un peu trop. En vrai, je suis sûr que. Parce qu'en plus, ça doit cartonner ces t-shirts de merde. Je suis sûr que 23 balles, c'est tellement quand même, facile quoi, d'inventer des trucs. Putain. J'aime beaucoup. Alors là, il y a une carpe. J'aime beaucoup quand elle se penche, mais j'adore quand elle suce mon verre et qu'elle avale tout. Quoi? Mais non, mais quoi? C'est pas sérieux, tu m'en prends 10. Non, mais c'est pas... Attends. Je vous rappelle que nous sommes... alors attends, parce qu'il y a un poisson, hein, faut mettre dans le... Oui, voilà. Mais pour quelle... J'aime beaucoup quand elle se penche, mais j'adore quand elle suce mon verre et qu'elle avale tout. Parce qu'ils avalent le verre, les poissons, je sais pas. Ouais, mais qu'elle se penche. Parce que là, je l'ai pas avec le poisson. Moi, j'ai avec la. Enfin, ça marche. Je sais pas. La meuf qui se penche. Mais enfin. Sinon, là, il y en a un qui. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient pas très bons en raccord. Et en fait, ils ont tout un truc selon ta passion. Là, par exemple, c'est la moto. Et c'est un t-shirt où il y a genre un truc iPhone. Et il y a écrit ma moto appelle. Il y a un logo. Il y a un logo moto. Genre. J'accepte, je refuse avec le logo iPhone de vert ou rouge. Sauf que c'est vert de il faut que j'y aille. Non, c'est juste. Ah ouais. C'est si blanc comme t-shirt. Donc voilà, c'est des t-shirts très très blancs. Et ça donne envie d'en faire des trucs vraiment incompréhensibles. Juste pour, d'en faire un pour le. C'est dur à parodier ça. Bah, c'est très dur très parce long, que tu dis fait. Des trucs qui n'ont aucun sens. Non, mais tu vois, moi je me fais ça, mais avec Crazy Frog qui m'appelle. Je dis ding ding, faut que j'y aille, les mecs. C'est André, j'en prends son. Oh là. Ah, la vache. Et puis après, t'as tous les trucs très patriotiques, très limite extrême droite. Ah, genre, yes. Si ce drapeau te dérange, je t'aide à faire tes valises. Ah oui, donc pas du tout limite. C'est vraiment extrême droite. Ah non, c'est extrême droite. Ah non, non, non, vraiment. C'est puis-je te réémigrer. Je suis disponible. Mais j'imagine vraiment un gars qui se balade avec ça, genre, bah, pardon, mais on va tous les deux tabasser. C'est écrit. Hein, c'est... Puis en plus, le constat de départ, enfin. Si le drapeau te dérange, c'est jamais le drapeau qui pose problème en fait. Tiens. Non, le drapeau il est bien, c'est juste tout le racisme systémique et tout. C'est les couleurs sont harmonieuses. Ah, pardon, je croyais que c'était le drapeau moi. Bah, on est resté enfant. Non, le drapeau ça va. Il est efficace, il passe bien et tout. Simple. Moi c'est juste, je déteste le bleu avec le blanc et le rouge. C'est juste ça qui me. Et genre, un petit dernier, connasse avec donc C-O, enfin bon, l'orthographe de connasse. Classe, originale, narcissique, noble, amoureuse, sexy, séduisante et élégante. Voilà. Ouais, c'est la spéciale. Excusez-moi, j'ai fait un petit. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire, mais sachez qu'il y a des sous-catégories. En fait, il y a des catégories animaux, âge, famille, loisirs, travail. Quand on va dans sport, il y a foot, yoga, fitness, ping-pong, hockey sur glace. Quand on va dans. Attends, est-ce qu'on peut avoir un petit ping-pong quand même? Parce qu'un t-shirt de ping-pong humoristique, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Je n'ai pas besoin de thérapie, j'ai juste besoin de jouer au ping-pong. Ah ouais, d'accord. C'est... Non mais attends, c'est une usine. Est-ce qu'il y a ma table de ping-pong qui appelle? Des générateurs automatiques. Si cette table de ping-pong te dérange. C'est génial. Non, c'est très beau. Les vraies filles jouent au ping-pong. Voilà, il y a plein de choses. Il y a très peu de vraies filles, mine de rien. Ah oui, non, c'est... Ouais. Du coup, s'il y a des adolescents qui portent ça pour se chercher, là, c'est chaud. Le problème, c'est que c'est un peu le cadeau de parents aussi. Ah oui, enfin, franchement, je l'ai inscrit au ping-pong il y a depuis 2 ans, il faut que j'achète ce t-shirt. Enfin, tu vois, il y a... Tu sens, c'est le cadeau de famille. Enfin, ouais, tu peux se faire, ça. Je l'ai vu sur Français de souche. Ça sera pas mal pour toi. Bah, je lance ma marque demain. Moi, je me rappelle. On va lancer un Ulule pour ça. Je me rappelle d'un babos du lycée que je haïssais, qui était toujours là au CPE, enfin en réunion, qui était sur les poubelles et trucs comme ça pour faire les grèves. Mais attends, c'était un élève ? Ouais. Ah, d'accord. Okay. Et il avait un sweat à capuche avec le Che Guevara sur l'Afrique avec les couleurs de la Jamaïque. Wow. C'était un espèce de mash-up incroyable. C'est un grand écart, là. Couleur de la Jamaïque ou vert jaune rouge? Vert jaune rouge, pardon. Ouais. Oui, enfin, déjà Rastafari, ouais. Pardon. Oui, parce que ça aurait été noir, jaune, vert, bien évidemment. Et j'étais genre, waouh, mec, c'est vraiment... tu es si blanc une nouvelle fois. Et genre, il avait des dreads ou pas? Non, mais il avait le kéfier. Ouais. Ah oui, on n'a pas parlé des kéfiers. Les kéfiers, c'était la grande mode. Ouais, oui. Un peu, ouais, il y a soit les sacs longchamps ou kéfiers. Donc, c'était vraiment ce grand écart. C'était ce grand écart-là. Et lui, bah, il masterisait tout, quoi. Avec les vieilles grolles escraves merde, comme on les appelait. Il y a une catégorie qui vient de me revenir, qu'on n'a pas citée, mais c'était quand même assez, je pense, spécifique à mon collège, c'était les cathos, parce que moi, j'étais dans une ville, j'étais dans à Saint-Germain-en-Laye, j'étais, donc une ville où il y a pas mal de cathos. Et du coup, il y avait la catégorie des cathos aussi, moi, dans mon... Bah moi, je m'avais aussi... Ils traînaient ensemble ouais. Bah, j'avais Ils traînaient ensemble Ouais, plutôt, ouais. Ils prient ensemble Bah, sans doute. Non, mais... Putain, on n'a pas parlé de... On parle de cathos, ça me fait penser à Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on a encore raté, là. Putain. Moi, je connaissais pas, ce truc-là, j'ai découvert... Ah, bah non, Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, je connaissais pas le running gag de à chaque fois, il est caché, on le retrouve jamais et tout. Méga surprise, tu connais... Coucou, méga surprise. Non, je connais pas. Bah, c'est la lettre qu'il a... Le texto. Coucou, méga surprise. C'est un texto, c'est sûr. Le texto qu'il avait envoyé. Coucou, méga surprise, nous partons en vacances. Et en fait, il venait de tuer sa famille. Voilà. C'était un faux texto pour faire croire. Et de le mettre dans sa terrasse, si j'ai pas de bêtises. Oui, dans de la chaux sur sa terrasse. Yes. Bah, très bon délire. Méga surprise. Bah, c'est un des t-shirts de Tizly.com. Coucou, méga surprise. Coucou, méga surprise. J'entends ma famille. Ouais, non, les cathos, je les ai pas eu, moi, chez moi. Alors que pourtant, je suis dans une ville vraiment où la cathédrale, c'est vraiment notre icône. Bah, moi, c'était. Ouais, il y avait des cathos, il y avait des scouts. Alors attends, c'est les. Parce il y a les éclés. Parce qu'il y a deux, il y a les scouts de France, il y a les scouts d'Europe, et il y en a, c'est les scouts cool, et il y en a, c'est les scouts c'est un les peu fachos. Est-ce que c'est des scouts un peu débridés, par exemple? Bon, je l'ai. Ah, oh, putain, d'accord, ok. Ah, oh, putain, je l'ai. Genre le petit bon. Ouais, non, mais ouais, joli. Bah, je joue tous les soirs. Non, je crois que les scouts de France, c'est les. Oui, les Européens, les c'est extrémistes. Ah non, je crois. Ah, c'était Européen extrémiste, non? Ah, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je veux. Pardon aux scouts, parce que. Forcément, les scouts, ils vont dire, il y a aucun scout qui est facho. Il y a quand même une distinction, et c'est un pote à moi qui était scout qui m'avait dit, ouais, non, il y en a, ils sont plus. Non, parce que les laïcs, c'était les éclaireurs. C'était cool. Les éclaireurs de France, c'est un peu les scouts, mais version où t'allais dans les bois et tout. Mais en fait, ça c'est les éclaireurs, c'est parce que c'est pas religieux du tout. C'est ça. Ouais. Voilà, on a parlé des scouts. Mais ouais. Petite question du coup par rapport à ça, vous étiez dans le privé ou dans le public en fait? Public. Public, moi. Moi, j'étais dans le public aussi. Ouais. Public. Et ben, j'ai fait du privé. Et quelle est la vraie différence de tout ça? Bah, la différence, c'est que le public d'en face, notamment au lycée, avait un putain de lycée. C'est-à-dire que déjà c'était humiliant parce qu'on venait faire du sport dans leurs locaux. On venait Privés qui allaient dans le public. Ouais, exactement. Ils avaient, ils avaient toutes les infrastructures dans le Mali. Ils avaient une chaîne de télé. Donc quoi? Je recevais. Ils avaient des plateaux. Oh la vache, mon gars, tu vis aux États-Unis. Ouais. C'est trop bien. J'ai jamais trop compris ce truc parce que j'avais pas tant de potes dans ce lycée. Ouais. Mais je savais juste que je recevais cette chaîne hertzienne chez moi. Et c'était humiliant de regarder des élèves pendant que je faisais. Oui, exactement. Trop bien. Et lycée, pas Notre-Dame et Château, l'autre dont j'ai perdu le nom parce que je suis nul. Bon, t'inquiète. Mais du coup, voilà, ils avaient. Donc c'est vraiment humiliant de dire pas, franchement. T'aurais pu me mettre là, non? J'aurais pu. Télé. Là, mes devoirs, c'est écrire une émission. Enfin, tu vois, et d'ailleurs, un petit plateau, il était tout chaud et c'était chambé, tu vois. C'est ouf. Et moi, je suis dans l'autre. Putain. Le mec, une chaîne de télé. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais allé au lycée, on s'était foutu de ma gueule parce que j'avais dit, est-ce qu'il y a un journal du lycée? Parce que j'aimerais trop. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais. C'était le truc que je rêvais de faire. Moi. Mais c'est ça, moi, dans ma tête, j'étais Peter Parker, quoi. J'étais genre, je veux bien faire des photos de l'actu un peu du lycée et tout, faire des petits articles et tout. Et vraiment, on m'a rionné. On m'a fait, bah non, mais ça n'existe pas, ça. Bah moi, il y en avait. Il y avait un journal du lycée. Mais j'ai fait partie de la rédaction, mais c'était nul. Bah, on peut dire. Voilà, donc, j'ai parti. Moi, j'avais fait pareil. Il s'appelait le canard déchaîné. Oh putain, mais nous, c'était le coin-coin déchaîné. Putain. Donc, vraiment, tout le monde avait la merde. Les plus intelligents. Nous, c'était Valeurs Actuelles. L'islam. Putain, ah ouais, d'accord. Mais non, donc, d'accord. Donc c'est pas une... Nous, on avait peut-être l'écart avec les films, mais vous aviez quand même des trucs un peu stylés. Vous aviez des clubs dans vos collèges ou lycées? Non, pas vraiment. Donc, t'avais des activités, enfin, dans le lycée, t'avais le groupe de musique. Oui, et, voilà, des petits trucs comme ça. Oui, oui. Et en fait, donc, tu répétais tous les mardis, midi. Ouais, j'ai fait une petite fraude sur le coup, j'y suis allé pour voir, mais surtout parce qu'en fait, tu manges prioritaire. Oh. C'est vrai. Avec une et t'adorais manger. Oh, bah, j'adorais manger avant tout le monde. Et du coup, je faisais la table de mixage. Donc, je servais à rien, je savais même pas faire. Mais je venais, je bouffais avant, comme et moi. Puis après, je faisais... Ben, tu vois, regarde, tu vois où ça nous a amené. Putain, c'est ouf. Ouais, mais voilà, à part ça, culturellement, bon, c'était pas une chaîne de télé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On sent que c'est resté un peu... Ouais, nous, c'était juste le truc de sport, quoi. C'était l'UNSS ou un truc comme ça s'appelait. Et c'était genre le samedi... Moi, maintenant, à partir du moment où le truc est. Enfin, où pas dans les horaires. Ouais, c'est ça. On me dit, il y a ce club de machin, c'est les samedis. Je fais, non, ça n'a aucun intérêt. C'est une de la nuit. En plus de l'école. Ça doit être le jeudi, voire le mardi. Ça doit m'empêcher d'aller à un truc. Sinon, je comprends pas l'intérêt du tout. J'ai quelques messages de gens que je partage avec vous. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, quand j'étais au collège, je jouais beaucoup au Tony Hawk et je faisais du finger skate. Tellement confisqué. Tech. Et bah, à cause de ça, ceux qui faisaient vraiment du skate me disaient, t'es qu'un faux skater. C'est... J'entends cette phrase déjà. je la visualise, enfin, je l'entends très bien dans avec la tête. Avec dans le ton cette intention de blesser, comme si c'était le pire truc que de se faire refuser l'entrée par des skateurs. Donc voilà, y a des... vous êtes fait refuser par des crews qui disent. Non, mon gars, casse-toi direct. Qu'est-ce que... La case les filles. Bah ouais, je crois que c'est un peu tout le monde ici. C'est la spéciale. Oui, bah évidemment. Ouais, celle-là, bon. Bah après, il y a aussi la case tu parles aux filles, mais ça ne permet pas autre chose que de leur parler et d'être le bon pote. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, moi j'ai fait elle, si tu veux. Donc, pareil, j'ai fait elle. L'ami des filles, c'était moi, quoi. C'était vraiment. C'était elle avec option peut-être il est gay. Un gentil garçon. Ouais, d'accord. Juste gentil, quoi. Juste, il galérait à choper une meuf, quoi. C'est tout. C'est bon. Moi, ma première fois, elle n'a jamais assumé de l'avoir fait avec moi. Ah, toi aussi, t'as eu ça? Ouais. Cet enchaînement. Ouais. Je te jure, mec. Mais pour. J'étais le copain. Non, mais j'étais l'ami, mais elle n'a jamais voulu sortir avec moi. Mais j'avais quand même. Ah, vous avez Ken, genre en loose day, quoi. C'est pire, moi. Moi, c'est je pars en colo. En colo, je rencontre cette meuf un peu badass qui sort avec les badass du collège et tout. Tu mets ton truc et... Superman à Strasse. Là, elle kiffe le délire. Et un jour, elle me fait « Ouais, elle veut te parler et tout. » Je vais dans la chambre, je comprends pas. Elle me fait « Ouais, elle me parle et tout. » Après, on s'embrasse et tout. Je fais « Waouh, putain, c'est la fille du collège et tout. » Quand je veux dire ça, mes potes et tout. Je rentre, je raconte ma vie à tout le monde. C'est pas un jour, j'arrive au... comment ça s'appelle ? Je reçois l'interphone et je reçois, elle fait ouais, tout, comment ça, tu dis nanana, ah, c'est pareil, il y a une meuf et tout, tu lui as dit, t'as dit aux gens que tu veux sortir avec elle et tout, elle te cherche. Hein? Le truc, j'arrive à la rentrée et tout, c'est pas, je vois une meuf en furie, la meuf en question, qui fait comment ça, tu dis que. Genre, elle voulait pas assumer, genre, elle a voulu me taper. je vous jure et tout, j'étais tellement choqué et tout, et c'est comment on appelle ça, les pions. Qui nous a séparés, tout, la meuf. Ah, donc la meuf avec qui carrément, tu sortais, elle avait été séparée par un pion. Parce qu'elle assumait c'est pas. Ça. C'est un truc de ouf. C'est peut-être la pire fin de couple. C'est même pas en couple. J'ai eu ce truc. En fait, elle pouvait pas sortir avec un 12. Ah ouais. Vraiment, c'était vraiment non. C'était ta première histoire ou pas? Non, c'était. Ah, j'ai eu peur parce que c'était vraiment traumatisant. Ah, non, histoire, non, non, mais en fait, c'est pour ça que je suis humoriste, hein, je pense. J'ai eu que des trucs comme ça jusqu'à très tard. Ouais. C'est que des trucs comme ça. Et toi, et du coup, Pierre, toi, c'était la meuf à pas assumer. Genre, vous avez vraiment couché, vous, par contre. Bah oui, c'était ma première fois. Ouais. En plus, après, elle m'a quel âge j'étais en troisième. Beau gosse. Allez. Ouais. Et après, je sais pas si c'est le fauteuil ou quoi que ce soit, ça l'a fait chier ou quoi que ce soit. Ouais. Mais du coup, on couche. Moi, j'étais full crush. Après, plus rien. Elle m'avait dit, ouais, c'est pas ma première fois et tout. Après, je l'ai revu 4 ans après. Elle m'a dit, en fait, t'es ma première fois. D'accord. Et une mythologie trop bizarre autour. Ouais. Et à chaque fois, je dis, ah bah ouais, bah j'ai couché avec cette fille. Genre, mais quoi ? Jamais. Et ça m'a toujours blessé. Bah ouais, c'est ça. Et c'est là, j'ai envie de voir la meuf et lui dire, mais pourquoi ? Et on peut le dire, c'était Christine Angot. On peut le dire aujourd'hui. Mais ça m'a fait mal. Voilà. D'accord, non, moi ça va. Heureusement, je suis sorti que très tard avec une femme, donc du coup, j'ai pas eu tous ces problèmes. Post-baggy Post-baggy, du coup. Ouais. Donc il y a 2 ans. Non, mais par contre, moi, pour le soir de mes 18 ans, j'ai embrassé une fille et moi, j'ai cru qu'on était ensemble et elle m'a dit non, c'était ton anniversaire, quoi. Franchement, t'aurais pu prendre un DVD plutôt, parce que vraiment, moi, je me suis imaginé un vieux truc. Vraiment, c'était ridicule parce que je lui ai vraiment fait un texto d'amour, quoi. Je me suis mis en couple avec le lendemain sur Facebook. En roue arrière sur le tour du trop vite. Non, je peux pas la blâmer. Hein. Mais attends, la personne, elle doit pas valider pour que ce soit vraiment. Bah, je pense que du coup, ça lui a fait beaucoup parce qu'elle a eu le même jour. Ouais, non, parce que je l'ai mis en couple, mais pas avec qui. Parce que sinon, je me suis dit, ça c'est creepy. Si je lui envoie le truc, elle va sentir la pression. Voilà. Je vais juste dire que je suis en couple. Et elle a dit, ah, j'étais en couple en fait. Non, mais tu sais, quand t'as 18 ans, t'es encore un peu un enfant en vrai, tu vois. Tellement. Et donc, du coup, tu te mets en couple et donc ça commence à envoyer des félicitations. Mec, trop bien, tu le mérites. Toutes les meufs de elle qui se disent ah bah putain enfin quoi. Et donc je pense qu'en plus vu que j'avais embrassé cette nana à un anniversaire et bah tous mes potes l'avaient vu que je l'avais embrassé et tout, donc tout le monde se disait ah bah ils sont ensemble. Donc elle commence à recevoir des textos de gens en disant oh bah t'es avec Flo super machin et tout. Moi qui envoie une lettre d'amour genre eh bah, je suis content parce que je croyais qu'on était que amis depuis un an et demi deux ans et là bah voilà on est en couple et tout machin. Et vraiment elle m'a envoyé 4 lignes de même pas enfin de 4 lignes de textos donc vraiment 8 mots à peu près qui étaient genre ah là là, il y a méprise. J'en suis rigolé. Il y a méprise, quoi. Vraiment, la meuf, vraiment. Ça, c'est un retour de la CAF. Quoi. Chez les amis. Un retour de la CAF. Exactement, un retour de la CAF. 6 mois, la raison. Et elle m'a dit non, non, c'était, enfin, c'était trop bien, mais c'était juste voilà, pour s'amuser, quoi. Point. Je me tiens à votre disposition pour. Et je crois, mais je suis pas sûr, peut-être je l'ai fantasmé avec le temps, je crois que j'avais fait oui, non, mais je sais, mais je croyais que. Je déconnais. Donc après, tu enlèves le en couple. Et du coup, à l'époque, quand tu m'as enlevé le en couple, tu remettais célibataire. Donc les gens non, du... justement, c'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr. Langage-là, et ça me rappelle MSN, où t'avais pas trop le moral. Et t'étais fait chier à mettre le plugin qui diffusait la chanson que Windows Media Player et bien du coup tu mettais toute ta playlist avec toutes les chansons les plus tristes et t'attendais que quelqu'un vienne bah ça là. Va bien sûr ça va mais oui, évidemment ça va pas j'aimais trop tu voyais trop les meufs qui checkaient My Immortal d'Evanescence tu dis oula toi, tu t'es fait larguer toi et tu sais tu répondais ça va, deux petits points. Mais en Comic Sans, ça va, ça va. Je me faisais chier à trouver les couleurs et tout. Mais l'équivalent de ça. Mais l'équivalent de ça, c'est après, c'est devenu les statuts Facebook ah oui, un peu deep, genre. J'ai vraiment marre de me faire avoir, trois petits points. Et en commentaire, t'avais genre, ça qu'est-ce qui se passe non, mais... Dis-moi en MP. Bah alors, ma cousine. Ouais, c'est ça. Ma cousine. Et après, on répond ça. Non, rien, juste, je crois plus en l'amour, je crois. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui. Il y a quelqu'un de. Je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est. Mais. Quelqu'un parce de ma belle c'est un membre de multiprise de ma belle famille non qui ne s'exprime que comme ça sur Facebook que des trucs où tu sais des espèces de plaintes vagues qui sont vraiment des appels aux questions que ça uniquement marre de cette merde point pas souvent des statuts mais chaque statut c'est ça quoi ça fait du bien de virer certaines personnes elles se reconnaîtront sauf que non tu les as virées donc elles ne verront jamais ce message je viens d'avoir les résultats sorti de l'hôpital alors là c'est une question mais alors malheureusement j'ai l'impression qu'on est quand même une belle bande de losers autour de la table parce que la question est intéressante que ressentent les personnes populaires une fois qu'elles évoluent dans la vie et que cette fame disparaît mais c'est vrai que ça m'intéresse si vous avez été un peu populaire au collège et au lycée envoyez-nous un message et que après bah du coup mais c'est même pas que vous êtes moins populaire c'est qu'après vous êtes grand en fait mais juste vous avez peut-être moins de gens autour de vous qui vous félicitent d'avoir des Ray-Ban enfin bon bref je parle pas de Léonard mais et tous les populaires pour moi ils se droguaient tout comme ça ils ont tous mal fini hein. Non, mais c'est vrai tous les populaires c'est qu'ils fumaient qu'ils se droguaient qu'ils buvaient alors que les losers des fois ils finissent sur une petite chaîne qui s'appelle Golden Moustache je sais pas si vous connaissez c'est un peu populaire je crois ok les enfants ils sont fans mon gars tu sais les enfants que t'as eu trop jeune bah, ils sont fans de moi maintenant, mon gars. Ouais, j'ai quitté cette chaîne. Après, moi, il y avait les fouteux. Les fouteux, moi, j'avais Gourcuff. Enfin, t'étais à l'école avec Gourcuff. Enfin, tu vois, du Pilôme, c'était Gourcuff et tout ça. Ah, ouais. Et les fouteux, c'était genre. Ah ouais. Mais moi, c'était les fouteux. Mais on les méprisait quand même, mais ah, je veux dire, sûr. Pour les gens. J'ai pas capté la transition, là, par contre. Les gens populaires, c'était les fouteux. Ah, d'accord. Moi aussi. Ah ouais. Et moi, ah, en plus, les fouteux, c'est vrai, parce qu'après, maintenant, avec le recul et tout. Vraiment, ils m'ont jamais rien fait. Je te jure, je me suis jamais vraiment fait enfermé. Mais je m'étais fait emmerder par peut-être un ou deux mecs qui faisaient du foot. Mais ce que je catégorisais comme les fouteux, ils avaient juste. La grande critique que je leur faisais, c'est qu'ils sortaient avec des meufs chambées et que je les trouvais nuls à côté de moi. Ouais, c'est les joueurs de football, c'est les quarterbacks. C'est les quarterbacks français. Oui, ils ont tous été. Ils m'ont rien fait. Tu peux pas les reprocher. C'est juste les skateurs en vrai. Moi c'était les skateurs plus. Ah ouais. Ah non, pour moi les skateurs c'était les mecs qui étaient stylés quoi. Ah non. Merci. Moi les skateurs de temps en temps. Moi les skateurs de temps en temps. Les skateurs de temps en temps sur une méprise, il y en avait un qui sortait avec une vraiment jolie, mais vraiment la plupart du temps. Ah ouais. Parce que moi c'était les mecs vraiment stylés. C'est les mecs stylés. Les footeux c'était des beaufs. D'accord. Et les skateurs, c'était les mecs stylés. Je te rassure, pour nous c'était des beaufs aussi les footeux. Mais tu sais, il y avait un truc genre. C'était les danseurs. Ah, t'es danseur. Ah. Ouais, c'était les danseurs. C'était à l'époque de... Comment ça s'appelle Street Dancer. D'accord. Ouais, à l'époque de Street Dancer, genre, tous les danseurs qui limitaient le style et tout, c'était eux qui... je sais plus. Allez. Stylé. Et moi, à l'époque, ouais. Je faisais la même, sauf que je mettais... Jusqu'au nombril. On l'a jamais oublié. T'avais le cross-up, le truc. C'était eux qui... Ah ouais. Ah non, moi c'était vraiment les footeux. Et en plus, moi ce qui m'énervait encore plus, c'est que des fois il y a une meuf qui quittait un footeux. Donc moi vraiment, c'est le. C'est l'ouvre. C'est vraiment, je regarde la nuit, ouais, la nuit se termine quoi. Je suis alors, ok, ouais, un nouveau continent, un long voyage qui se termine. Ouais, c'est ça. Ou un vautour qui trouve une mémoire. Selon un peu. Selon les humeurs. Et souvent elle sortait avec d'autres footeux qui étaient des potes du footeux, donc j'étais là genre bah non mais merde là vraiment, vraiment c'est son pote, d'où tu retournes avec lui, genre c'est le pote de ton ex, c'est dégueulasse, ça se fait pas, wesh. Voilà, j'étais vraiment genre alors qu'en vrai ces gens là ne m'avaient vraiment rien fait, hein. leur seul crime entre guillemets était de ne pas être avec moi, et je suis sûr qu'en plus c'était d'être cool, ouais c'est ça, c'est mais ça, avec leur cul en plus ça aurait été nul comme couple, enfin il y avait rien, je pense que c'était juste des meufs un peu jolies et qui me disaient bonjour quoi, mais c'est tout. Et du coup, tu te dis évidemment qu'elles étaient beaucoup mieux avec ces mecs-là qu'avec moi. Moi, c'était ridicule, quoi. Et en plus, je pense qu'avec leur cul, je pense même que j'étais... parce que souvent, on dit que les... ce podcast, d'ailleurs, participe à ça, mais que voilà, on était des losers, mais du coup, c'est un peu mignon parce qu'on était nuls, machin et tout. Mais je pense que moi, j'ai dû rejeter des meufs qui étaient complètement comme moi. C'est sûr. Parce que j'étais un sale con qui voyait que les meufs, oui, oh là là, elles sont trop bonnes et tout. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que je pense que... moi, en y repensant après, je me suis dit, c'est juste que je... ouais c'est ça quoi, tu vises les filles qui sont populaires et en fait qui n'ont pas trop de points communs avec toi quoi, et ouais. En fait je me suis dit mais en fait si je m'étais intéressé aux gens qui étaient plus proches de moi, ça aurait peut-être été différent quoi. Bah bien sûr. Donc c'est un conseil à donner, bah, regardez c'est... autour de vous, ouais c'est ça, n'oubliez pas le mainstream. Allez sur des trucs plus underground, plus proches de vous, et surtout on peut avoir des belles surprises plus mais plus des tard, rencontres ouais. Formidables. D'autres petits messages que je lis. Bon, quelqu'un me dit salut, moi je suis gros, mais on m'a pas trop fait chier parce qu'une patate de gros ça fait mal. On l'avait vu avec la vidéo du. Il y avait une vidéo qui était avec... devenue virale, le Little Hulk, c'est ça qu'on genre l'appelait. Un petit qui cherche un truc. Il lui met des claques et il l'attrape, il le jette par terre. Ah oui, après il boite. Ouais, je crois qu'il lui a cassé la jambe, j'avais lu. Ah, j'ai pas lu la suite. Vraiment... Ah oui, d'accord. Donc, ah mais ouais, il a vraiment pris. Il lui a fait un suplex de catch, quoi. En plus, tu sens que c'est vraiment, quand il le prend, genre tu sens que c'est un an de frustration balancé dans un coup. Ouais, vraiment. Même plus, je pense. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc oui. J'ai vu plusieurs messages aussi qui utilisaient une expression que je ne connaissais pas. C'est des gens qui disent moi je faisais partie des papiers peints. Et donc les papiers peints, c'est les gens qui disent meubles. Rien, qui ne font pas de bruit et qui se contentent de répondre quand on leur parle. Donc comme du papier peint, on m'explique. Et quelqu'un me dit voilà, ça a duré jusqu'à la fac où rejoignant un nouveau groupe, je me suis découvert une personnalité de rigolo du groupe, donc à la fac, faisant marrer tout le monde tout en ayant plein de discussions sincères, nouvelles expériences, etc. Ça a été un déclic monumental de trouver mon truc. Le truc marrant, c'est qu'en étant seul ou mal entouré, encore aujourd'hui, cette case de type transparent me reprend pour me relâcher uniquement en présence de personnes qui, entre guillemets, me connaissent bien. Est-ce que, justement, ça me permet de passer à un autre truc ? Est-ce que vous retrouvez parfois ce truc de case dans la vie adulte ? Ce truc de... Parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, que je fais ce métier d'auteur, bah, je ne côtoie quasiment que des gens, entre guillemets, du milieu. Est-ce que c'est la suite logique ? Est-ce qu'on retrouve ces espèces de codes du collège-lycée ? Est-ce que... J'ai l'impression qu'on est moins dans le jugement et en même temps, parfois, je ne sais pas. Je vous pose la question. Il y a un peu quand même encore les... Enfin, surtout dans ce métier, en fait, quoi. Les cools et les populaires, il y en a quand même. Enfin, il y a vraiment... Enfin, quand je vois mes photos de vacances, moi, sur Instagram... où je suis en caleçon assis sur un parpaing chez ma sœur, et t'en as qui sont genre en train de faire du yoga en Thaïlande. En mettant merci Guadeloupe Voyage. Non, mais même pas. Genre, ils se sont payés des vacances avec leur argent parce qu'ils ont une super carrière, tu vois. Ouais. Et que moi, je crois juste parce qu'ils étaient plus connus que nous, je crois. Oui, non, mais... Les deux. Les deux, finalement. Et ouais, tu as les gens qui sont vraiment toujours... Tu sais, il y a des gens comme ça beaux, ils sont toujours, toujours dans les trucs stylés, quoi. Alors que... Et après, c'est aussi une question d'image aussi, parce que évidemment, Non, puis tu as peut-être aussi dans d'autres, parce que nous, ça ne nous concerne pas, mais les gens aussi, que quand tu vois les gens qui ont des enfants, c'est un truc que j'entends souvent, genre les gens quand ils ont des enfants, bah, ils traînent beaucoup plus avec des gens qui ont des enfants parce qu'ils se comprennent plus. Ouais, puis pour revenir un peu au sujet de podcast par rapport aux tribus, là j'ai l'impression qu'on se mélange tous et plus tu grandis, plus tu t'en bats les couilles et moi plus ça va, plus je rejette les gens qui me ressemblent, tu vois, genre moi j'aime beaucoup la scène hardcore et tout ça. Et j'ai jamais vu autant de bolos et de poseurs que dans cette scène-là, tu vois. Je rejette ça. Ah, on va partir sur les fans de Rick and Morty. Non. mais voilà, et c'est ça qui est cool, en fait. Cette notion de tribu, j'ai l'impression qu'on l'a perdue, quand même. Oui, et d'ailleurs, c'est un message que je lisais souvent, d'ailleurs, pour les plus jeunes qui écoutent ce podcast, qui me disent, nous, ça a toujours été... je dis nous, c'est 3-4 messages que j'ai vus, mais qui me disent, voilà, moi, je suis né genre en 96, 97, 98... C'était un truc de film américain, quoi. C'était un truc qui n'existait pas vraiment, le côté tribu, clan. Il y a les gens pas populaires et les populaires, mais il n'y a pas les fouteux, les métalleux, les machins. Voilà. Y a moins... Ça s'uniformise. Ouais, il y a moins ce côté look déjà. Il y a moins ces trucs genre, ok, toi t'es en streetwear, toi t'es en babos, toi t'es en. Voilà, apparemment ça se mélange beaucoup plus. Mais c'est vrai que moi en plus, en vrai, j'étais dans une toute petite ville, et même si au début c'était très sectarisé. Avec le temps, on connaissait, il y avait tellement peu de jeunes que les trucs se mélangeaient et que moi j'ai vu des gens vraiment d'extrême droite facho faire des soirées avec des gens d'extrême gauche très communistes. Et bon, bah, ils parlaient pas de certains sujets, mais ils passaient là, ils étaient invités à la même soirée tellement c'était des petits lieux, quoi. Non. Soirée YouTube Space. Non, ça c'est les soirées où je suis pas invité. où j'attends devant. Et où des gens font semblant de ne pas me voir à travers une vraie anecdote. Je suis allé, j'ai essayé de me faire inviter au YouTube Space, mais vraiment à la base, j'étais pas invité et voilà. Et j'étais allé voir Star Wars, Les Derniers Jedi. Et vu que ça a fini plutôt que prévu, je fais vas-y, je vais aller squatter. C'était Guilhem qui était DJ. Je vous rappelle que Guilhem fait des et je vous rappelle qu'il fait des soirées payées par YouTube. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est bon, la petite pute de YouTube. La petite pute. Guilhem, comment on l'appelle, la petite pute de YouTube. Et donc du coup, je me suis dit vas-y, fais-moi rentrer et tout. Il fait il y a moyen, il y a moyen. Et il y a un gars de YouTube Space. Il y avait pas moyen. Voilà, et qui passe de, qui sort. Donc moi, je me dis ça doit être pour moi. Guilhem a dû le prévenir et tout. Je fais bonjour. Et le gars me regarde pas et il parle à un gars de la Sécu. Je fais bonjour. Monsieur, et vraiment au bout du 15e monsieur, je fais c'est terminé. Et il repart et il me regarde dans les yeux et je pense qu'il a dû croire que j'étais un squatteur chelou et tout. J'étais sur mon vélo, j'ai pas un look très stylé. T'avais encore tes baggy, non? J'avais cette coupe. T'avais un baggy. C'est ça exactement. Donc je n'en veux pas, mais quand même très humiliant. Encore aujourd'hui, de te faire recaler à des soirées où tu vois les snaps de tous tes potes morts de rire et toi t'es là, genre, yes, je suis dehors en vélo, il pleut, il fait froid. Et on voit, et en fait, j'ai vu des gens sortir bourrés qui me font eh mec, ça va et tout. Je fais, ça va, super. C'est un point de vue féminin que je voudrais partager avec vous parce qu'on n'a pas de filles ce soir parmi nous. C'est très un truc entre couilles. J'étais la fille à forte poitrine au collège. Un plaisir. Bizarrement, sur le moment, je le vivais très bien parce que bien dans ma peau, bien entouré et une personnalité à base de balèque totale. Mais c'est en grandissant que je comprends tous les problèmes de ce truc d'être la fille au gros sein. Littéralement pas une journée sans remarque sur mes seins ou mon cul, bon voilà, on va rester sur les seins, à base de blagues lourdes, regards insistants, comparaison de choses grosses aux F avec mes seins, le meilleur, le délice, le pompon, des garçons parfois touchaient les seins et les fesses de toutes les filles au corps déjà formé, des rondeurs, rondeurs qui laissent croire aux mecs qu'ils sont légitimes de ne pas les respecter. J'imagine à quel point ça peut être compliqué pour une fille qui a des formes au collège. Dans ce monde où le sexe est partout. Et puis c'est les hormones. C'est les hormones. Mais bon, ça ne justifie pas. Ça ne justifie rien. Donc, si vous êtes jeune et qu'une meuf a des seins, branlez-vous chez vous. Oui. Voilà, je vous invite à le faire. Voilà, jingle, c'est ça. Jingle. Non, franchement, le. Branlez-vous chez vous. Hein, tiens, branlez-vous. Aïe, attention, sortez les mouchoirs. Mais oui, parce que c'est chez vous, c'est à la cool, personne ne sera au courant et ça vous détendra. Et vous mais moi, de voir les, commencer à avoir des seins, moi, c'était quelque chose qui. Ça ne me triguait pas sexuellement, mais j'étais genre. Wow. De voir des décolletés, genre. Même ou des filles que tu connaissais avant et des filles changées que tu connaissais aussi, ça m'intriguait tellement. Bah, c'était, moi, c'était fou. Moi, je me rappelle, c'était au CDI. Et c'était la fille, elle m'avait mis une main. Je fais, qu'est-ce que c'est, j'aime. Et j'ai refait la même. Et depuis, c'est comme ça que j'ai découvert la sexualité. Allez. Putain, dans le CDI. Dans le CDI. Et des relations non consenties. Yes. Mais j'ai très, très honte parce qu'en fait, il y avait un groupe et le jeu, c'était de se mettre des mains. Oh putain, mais c'était ça. Fille c'était et garçon, des mains. Ouais, non, c'était en mode haha, on se touche. C'était ça. Voilà. Ça va, c'est tout le monde est dans le jeu. Ouais, c'était non, d'accord. C'était pas en mode haha, tournante, bien. Piégé. Alors, c'était à quel âge? C'était collège. 24, 24 ans. C'était... Non, c'était 5e, 6e. Et le où pour faire ce que j'ai dit. Et il y a quelqu'un qui pose une question anecdote. Y a-t-il un moment de votre adolescence que vous trouviez très sympa à l'époque et qui, 10 ans plus tard, vous fait dire quand même c'était chelou? Outre l'anecdote de Jérémy où il touchait des filles. Dire, ce que j'allais dire avec du recul, c'était mystique. C'était vraiment mystique. Déjà le fauteuil roulant. À l'époque, tu te disais que c'était charmé. Non, mais j'étais content. Mais non, c'est pas charmé parce que même les gens, comme moi, j'étais un peu un hybride, pas assez malade, ouais. Pour être vraiment malade, pas assez valide pour être valide. Donc des fois, je me levais de mon fauteuil et les gens étaient genre. Ok, l'arnaque à l'assurance, et donc ça m'a beaucoup blessé. Donc des fois ça m'enfermait aussi. Bah, je restais dans le bureau de myopathe, ouais. Et je me cachais un peu. Oui, parce que les gens, mal, hein, les gens ils savaient pas où te foutre, dans quel cas te foutre. En fait, ouais, ouais, alors, attends, t'es debout, t'es, ouais, qu'est-ce qui, ouais, se passe, ouais, c'était très pénible ça. Ouais. Ouais. Non, ça c'était caché. Parce que je cherchais mes limites. Bien sûr, ouais. Comme tout le monde. Mais ouais, non, mais les anecdotes comme ça. Non, moi je sais, on en a déjà parlé dans un podcast où. Ou moi, vu que j'étais le gars qui se faisait emmerder à un moment pour essayer de survivre, j'emmerdais un autre gars, ce qui est horrible. Un peu de bullying, ouais, c'est vrai. Ouais, un peu de... Voilà, mais pour essayer de pas être... pour être plus cool, en fait. Moi, je me faisais vraiment démonter, on me crachait dessus et tout. Et j'étais d'accord, parce que j'étais le rigolo. Et à un moment, bah, tu sais, t'en as marre, quoi. Tu dis, ça fait 2 ans, ouais. Les gars, maintenant, je commence à être fatigué. Et du coup, tu dis, ah, je vais faire chier un gars. Et du coup, tu reproduis le schéma... que peut-être était déjà un schéma peut-être, ouais, reproduit par, ouais, d'autres mecs emmerdés, on sait rien, quoi. Cercle, et du coup cercle vicieux horrible, donc voilà. Mais c'est pas vraiment un chamé, quoi. Non, mais c'est ça, c'est le truc à l'époque où tu te disais c'est pas, ouais, grave, ou c'est chamé, ouais, maintenant, ouais, tu te dis c'est horrible. À l'époque, je voyais moins le problème, c'était vraiment la jungle, il y a un côté survie, quoi. Ouais, un côté manger, pareil, ou être mangé, quoi. Ouais. C'est genre, bon, si c'était pas lui, ce serait moi, de toute façon, donc autant. C'était... Moi je me rappelle, genre dans mon collège, j'étais le 2e plus petit, enfin on était 2 petits vraiment. Et on s'est battu comme des cons pour celui pour celui qui perdait était la future victime de l'année, quoi. Ouais, ouais. T'as gagné? Non, c'était une bagarre, tu vois, les bagarres ex-aequo où tu t'es juste défoulé et les deux, oui, ils sont debout. Ah, oui. Avec ce que c'est, avec les poings en avant mais la nuque en arrière pour pas que le visage soit touché. Non, je crois même, mais en fait moi en vrai de vrai avec ma petite tête et tout, non, moi je me suis vraiment battu 6e jusqu'au second. Ah ouais, une bagarre, c'est épuisant, ouais, quand même. Franchement, c'est fatigant. En plus, t'as la pression tout le temps, t'as peur tout le temps. C'est horrible. Genre, à la sortie du collège, et à chaque fois, donc par défaut, j'ai appris à me battre au collège. Ah ouais. Ah ouais. Putain, moi, il y a un gars une fois qui m'a menacé de se battre avec moi, et il était pas si fort en plus, vraiment. Mais ça m'a fait me chier dessus, parce que je m'étais jamais battu. Pression, quoi. J'étais en 3e, 4e, tu vois, donc j'étais un peu en mode genre, putain, je suis jamais battu. Je me laisse me faire tabasser, donc clairement, je sais pas me battre, quoi. Ah, tu, ouais, vois. Et du coup, j'étais allé chez moi. C'est... T'as pris un couteau, tu l'as tué. Attends, j'avais une vanne de j'ai planté un type, voilà ce que j'avais fait dans ma vie. Non, mais c'est... ça aurait été mieux, je crois. Parce que vraiment, en fait, mon père avait un punching ball et je me suis dit, vas-y, je vais m'entraîner, ouais, le soir même. C'était nul à chier, je me faisais mal à la main. Et le lendemain, je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, je suis allé à l'école, je me chiais dessus. Je me suis mis dans le bus, il était à l'autre bout. Je me suis dit, bah, il va venir m'emmerder et tout. Et il m'a regardé méchant. Et en fait, c'était une aussi grosse flippette que moi. C'était pas un bluff. Le mec, ouais, qui voulait se battre avec moi, c'était pas un mec qui voulait m'emmerder. C'était, ouais, vraiment un gars qui était comme moi, quoi, qui, ouais, qui était, ouais, pas du tout fort, populaire ou quoi que ce soit. Du coup, ce n'est jamais arrivé. Et je crois qu'on s'est même remis à se parler sans aucune raison du jour au lendemain. Okay. Bah, t'es devenu un expert en arts martiaux pour rien, quoi. C'est l'idée, parce que j'ai fait 6 heures d'entraînement non-stop. Bon, bah voilà, écoutez, on a déjà pas mal parlé. Je regarde un petit peu ce que nous dit. Il y a Carlito qui nous a envoyé un message. À l'époque, j'étais le punk métalleux, ne misant rien sur son physique, mais affichant un tempérament mi-déglingo, mi-nonchalant, qui pouvait sembler autant attirant que dégueulasse. Bah, je t'imagine très bien là-dedans. Bah, oui, oui, oui. Tu es toujours cette personne. Un gars qui me dit aussi, moi j'ai fait des études supérieures très longues, donc c'est vrai que moi je n'ai pas fait ça, j'ai très vite quitté. Déjà, arrête de te la raconter, premièrement. Non, mais il explique qu'après le lycée, c'est difficile de recréer un cercle social en études supérieures lorsque tu n'as plus ta base d'amis. Ouf, ouais. Tu passes, ouais, pour un asocial sans amis dont tu te caches encore, d'autant plus que j'ai déménagé. Ouais, tu vois. Mais peut-être, ah, que, oui, tout, oui, l'oseille, ouais, que tu as gagné, ça, ça console un peu, quoi. T'as qu'à les acheter, tes amis. Bon, attends, c'est un épisode de Black Mirror ou quoi? Ouais, ça faisait longtemps. Bon, bah voilà, écoutez, je crois qu'on a dit plein de choses. Je suis désolé, j'ai reçu beaucoup de messages. On fera d'autres émissions sur ce sujet, de toute façon, ne vous inquiétez pas, avec d'autres invités pour parler d'autres expériences. J'ai eu des questions sur Curious Cat, parce que quand j'ai dit que vous étiez invité, plein de gens se sont mis à poser des questions. Alors, c'est des questions, je les ai pas triées par ordre d'importance, par ordre de machin, c'est un peu au tout, okay. au tout venant. Donc voilà. Adrien Méniel, as-tu de futurs projets en tant que dessinateur ? Oui, c'est le truc que je dis tout le temps, mais moi j'avais commencé à écrire mon album de strip il y a quelques années. Mais là, je pense en ce moment vraiment, j'essaye de me motiver pour finir de l'écrire et puis après le dessiner, quoi. D'accord. Mais donc c'est ça mon projet. Déjà, j'aimerais bien finir en fait le projet que j'ai déjà commencé, quoi. Ok, mais t'as commencé un projet. Ouais. J'ai une cinquantaine de strips qui sont écrits. J'aimerais bien faire un bouquin un peu gros avec 100 strips dedans, quoi. Bon, t'as fait la moitié. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut peut-être donner un petit indice de quoi ça parle ? Un Gaulois moustachu ? Mais dans plein de situations différentes. Il rencontre des pays du monde, enfin bon bref. Il rejoint la Love Army, il fait tout. Astérix à la Love Army. Sylvain, comment as-tu fait pour changer la pépé Twitter de Luciole toutes les heures ? Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce Ouais, que... donc c'était... C'était une petite blague à Luciole. Et j'avais fait en sorte, en effet, de que sa profile picture change à chaque heure. Et c'était à chaque fois une horloge faite avec son visage. Ce n'était pas les photos les plus avantageuses. Non, c'était vraiment tout mon répertoire de photos dossiers de Luciole. Et il y a une fine sélection. Si vous regardez à 1h du matin, elles sont un peu plus déglinguées qu'à midi. Tu vois. C'est un peu... Voilà. C'est contextualisé et eh bien je peux pas le dire, c'est la magie. C'est du gros fake. Tout ça est mis en scène, c'est joué son mot de passe, c'est tout. C'est Banksy derrière. Non, c'était automatisé. J'ai dormi cette nuit-là. Ah d'accord, ok. Mais vous pouvez trouver. Tout se retrouve facilement. Oui. Pierre Lapin. IFTTT. Quoi ? Non. Oui. C'est ça, c'est vrai. Ouais, en plus. Ah ouais, putain. J'en ai installé cette semaine. Exactement. Pierre Lapin. Oui. Pourrais-tu nous raconter ta rencontre avec Will Butler, le chanteur d'Arcade Fire ? Alors, c'est Win et pas Will. J'ai le Will. Je t'ai trompé. On a annulé la question. La question est annulée. En plus, c'est Will Ferrell. Non, est-ce que tu peux nous dire, alors, comment était cette rencontre ? Monsieur, je connais bien les prénoms de mes stars préférées. Alors, il faut savoir que Win Butler, donc, qui est le chanteur d'Arcade Fire, est le groupe, mon groupe favori ever. Voilà, le groupe avec qui j'ai tout avec, vécu. Avec, bien sûr, le groupe Vegastar. Et bien évidemment, au centième étage, les filles de ton âge, on finit par s'y plaire. Arcade Fire, donc, le groupe de ma vie. Donc, je suis à Montréal. Et je décide d'aller dans le quartier où il habitait avec Régine, où ils avaient un appartement, Régine qui est une chanteuse à Arcade Fire et sa femme. Et je sais qu'il y a une dalle de béton où ils ont gravé leur initiale juste devant leur appartement. Et tout ça. Donc, Win et Régine avec un cœur. Et donc du coup, les gens avec qui on était, ils disent « t'es juste à côté ». Du coup, j'y vais, je prends une photo. Après, je vais dans le bar juste à côté, donc il y a un bar à ping-pong, je sais pas quoi, où il y a Xavier Dolan. Oh, bah putain! Un peu bizarre. Ouais, stylé. Moi, j'aurais fait chier Xavier Dolan. C'est un bar à ping-pong? Ouais, un bar à ping-pong. Et est-ce qu'ils avaient les t-shirts du site Tizé? Xavier Dolan. Je peux pas ma table de ping-pong, c'est ça. J'aime les meufs qui pleurent en gros plan et les tables de ping-pong. Et là, ça se passe. Et puis bon, on décide de partir. Et là, je sors et il y a mon pote qui dit: oh putain, il y a Win. Et je suis genre, quoi? Et je me retourne juste à gauche et t'as Win Butler, donc le chanteur d'Arcade Fire, qui fait la même photo que moi. Mais non. Et qui se dirige dans notre bar et qui nous passe ça. Donc je tremble comme un ouf. Bah, j'imagine. Non, mais le hasard est incroyable. Donc, j'étais genre, oh, mais c'est ouf, je l'ai vu et tout. Bon, on va partir et tout, je vais pas faire chier. Et t'as ma meuf qui dit, bah non, vas-y, je te paye un shot et tout. Faut que tu le vois et tout. Bah oui, le hasard est trop ouf. Et du coup, je vais au bar et on paye le shot donc pour m'enivrer et pour me pousser un peu les couilles pour aller voir, me désinhiber, et puis je parle à Win Butler et voilà, je lui dis que je l'aime et on discute pendant 10 minutes. Il dit, vous êtes Pierre Lapin. Vous avez parlé de quoi si c'est pas indiscret? Je discutais un peu ce qu'il a fait pour moi, enfin sa musique. Déjà, je le remercie pour le dernier album qui est un peu détesté par tout le monde. Après, je lui ai expliqué que tout au long de ma vie, il a été là, les concerts et tout ça, les anecdotes que j'ai eues autour d'un certain concert à l'Olympia un peu glauque et tout. D'accord. Et parler un peu de choses et d'autres. Il m'a parlé d'anecdotes de concert avec le batteur qui vomit. Pardon, tu confonds, je suis le chanteur de Gorillaz. Merde. Ah putain, je suis bourré. Et voilà. Je suis Jeff Panaclock. Et voilà. Puis j'ai tenté de prendre une photo où j'étais genre... Je tremblais les mains. C'est ce qui rend la photo jolie. On sent que tu tremblais en fait. Et puis il y a une autre photo de moi qui est trop bien, où je suis accoudé au bar comme si j'étais dans un bar PMU avec le chanteur Arcade Fire. C'était fou. Extraordinaire. Un peu le plus beau moment de ma vie. Putain. Et voilà. Bah, c'est C'était fou, beau. C'était fou. C'est et un hasard de ouf, imagine ça. Bah, quoi. Ouais. Bah, ouais, ouais. Comme quoi, incroyable. Le ping-pong, ça unit. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Hein, ouais. Au lieu de chier sur le ping-pong tout le temps. On les connaît, les médisants, on les connaît. Ouais. Jérémy, quels sont les avantages et inconvénients d'une tournée avec le Whoop? Tout le monde semble avoir des personnalités très fortes et variées. Avantages, déjà, t'es entre potes. Déjà, moi, j'ai démarré la scène, j'étais tout seul. Donc, ouais. J'ai vraiment connu le délire, tu viens, tu répètes. Tu viens au théâtre, on te dit il n'y a personne, tu repars. Ah oui, d'accord. J'ai connu où tu joues devant 8 personnes, j'ai connu où tu fais des salles mais tu es tout seul. Et franchement, là, quand tu joues en mode troupe, tu as de la force. Vous avez fait combien de dates ensemble? Je sais plus, genre 100. Ah, c'est bien. Plus de 100 dates, je crois. Ouais. Partout dans la France. Ouais. On a tourné Belgique, Suisse, Maroc, toute la France. Et puis, c'était ouf. Et les inconvénients. Enfin, moi, déjà, toute ma tournée, genre, j'ai dormi toujours avec Hakim. D'accord. Hakim Gemili. J'ai capté, avec ma meuf, j'ai plus dormi avec Hakim que ma meuf. Dans la chambre d'hôtel, en vrai. Après, les inconvénients, en vrai, il n'y en a pas eu. Non, vraiment. C'est les trucs de. Comme quand tu pars en vacances juste, avec plein de potes. Ouais, c'est juste, ça pète. Mais franchement, à part ça, il n'y a pas vraiment de. En tournée et tout, il n'y a pas vraiment. À part que tu es serré dans le van et que ça pète et que ça pue. Ouais. En vrai, c'est marrant. C'est l'ambiance colo entre potes. Ouais. Quoi. En d'accord, vrai, c'est vrai, c'est marrant. Adrien, ta voix a manqué lors du podcast précédent. Ton avis en 30 secondes sur Star Wars? Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas d'avis, en fait. C'est juste ça m'intéresse pas trop, Star Wars. Quoi. J'ai vu 4, 5, 6, j'ai vu l'épisode 1 et j'ai pas regardé les autres, quoi. Et ça me parle pas. Aucune infinité. Je sais pas. Non, j'ai bien aimé 4, 5, 6, j'ai bien aimé, quoi. Mais je suis pas. Le reproche que je fais, c'est plus le côté. Je dis pas que c'est surcoté, je dis que. Tu le dis un petit peu. Je le dis pour. T'as dit que c'était pour pas. Faire de la provoque, oui, mais c'est, pas si c'est la blague. Mais c'est le côté. Comme c'est devenu un truc surpopulaire, enfin, il y a eu un peu un renouveau à Star Wars, avec le côté les geeks, c'est devenu cool. Ouais. Du coup, il y a vraiment. Maintenant, tout le monde est devenu. T'as l'impression que tout le monde est fan de Star Wars et vraiment tout le monde en fait des caisses dès qu'il y a une bande-annonce, genre j'ai les larmes aux yeux et tout. Tu fais, mais arrête, t'as jamais parlé de Star Wars de l'année et là, tu te dis que t'es en train de pleurer devant une bande-annonce. Arrête. Enfin, c'est toute cette mise en scène de soi qui me fatigue en fait. Parce que t'as l'impression, et c'est pour ça que je dis, on peut aussi s'en battre les couilles de Star Wars. Oui, bien sûr. C'est pas grave, quoi. Tu vois, t'as l'impression que tout le monde se sent obligé de dire ouais, Star Wars, j'adore et tout. Sinon, tu peux dire t'aimes pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, moi, j'essaie avec Doctor Who, par exemple. J'ai pas connu. J'ai regardé un épisode et il faudrait que j'insiste, mais Doctor Who, j'ai regardé un épisode, je fais bon. Et les trucs que j'ai pas aimé, on m'a dit non, c'est ce qui fait que c'est génial. Genre, je me suis dit c'est moche, un peu chiant. Mais non, mais pas du. Je fais c'est pas pour moi, tant pis. Mais en fait, les fans, c'est ça le truc, c'est que les fans sont énervants et avec Star Wars, il y a quand t'aimes pas un truc et qu'il y a des fans, c'est rare de toute façon tomber d'accord, quoi. Mais avec Star Wars, tout le monde agit comme un fan, en fait. Oui, voilà, en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est que j'ai l'impression qu'on considère que tout le monde est fan de Star Wars, point. Tout le monde aime au moins. Tu vois, c'est vrai que. On voit rarement des gens qui nous disent j'aime pas Star Wars. Enfin, tu vois, c'est vrai. Maintenant, si, t'as les fans de Star Wars qui détestent les derniers. Je veux dire, outre ça, tu vois, mais de base, Star Wars, tout le monde aime aussi. Tu vois, c'est. Tout dans la tête des gens. Puis ça transcende le cinéma aussi, c'est tellement un élément entier d'une pop culture qui réunit tellement de gens que c'est. Je regardais. Pas les films maintenant, Star Wars, en fait. Je regardais un documentaire sur la fabrication des jouets. Comment c'était Sur Netflix, il est pas mal, Et genre, j'ai vu, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, tu te rends compte, que ce truc-là, il existe depuis tellement longtemps que. Après, t'as aussi un peu les PNQ comme ceux qui disent, moi, Despacito, j'ai pas entendu. Et qui disent, Star Wars, j'ai pas vu un seul épisode. Je suis désolé. Moi, je suis pas un mouton. Chez moi, j'ai pas la télé. Donc. J'ai la télé, mais c'est juste pour regarder des Blu-ray de François Truffaut. je loue une télé juste pour. Ah mais moi, je paye pas l'heure d'avance. Attention, moi, je la paye pas. Flaubert raconte ta BD et de quel sujet va-t-elle traiter? Eh bien, moi, je travaille actuellement effectivement sur une bande dessinée. Mais vraiment, on est au tout début, donc je préfère pas dire de quel sujet elle va traiter, mais ça va être... Baggy Man. Non, ça, en tout cas, ça va pas être un truc genre sur ma vie perso. Enfin, ça va être une vraie aventure. Voilà, l'idée, c'est de profiter du média bande dessinée pour faire un truc que je peux pas faire en vidéo ou en film ou en quoi que ce soit. Un truc un peu épique. Un truc qui se veut en tout cas un peu épique avec des trucs... pas très réalisable. Voilà. Donc j'espère que ça se fera. Parce que, en vrai, là j'en parle, mais Star Wars, ça peut mourir. Star Wars. Je fais Star Wars. les malandrins de Delimonia. c'est un truc pas mal comme ça. Non, ça sera pas ça. Okay, non, ce sera pas ça. Sylvain, tes futurs projets personnels seront-ils de type vidéal? J'ai adoré ta FAQ récemment. Merci, c'est très gentil. Récemment, c'est un grand mot parce que ça fait déjà quelques mois qu'elle est sortie. Oui. Ouais, j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos et de la vidéo un peu aussi bien faite. Et c'est ce qui prend du temps et je l'apprends à personne autour de cette table. Ouais. Mais non, j'ai envie de faire de la vidéo. Là, pour le moment, ouais, j'en branle pas une. Mais ça fait du bien. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Mais c'est con, mais tu vois. Bosser chez Golden Moustache pendant 2 ans et demi, tous les jours, ça te vide un peu le cerveau. Bah c'est oui, créatif. Bah, rappelons que quand même, tu es l'homme qui a eu l'idée de Despacito. C'est vrai. Et ça déjà, tu vois, à force de l'entendre toute la journée. Ouais, bah, déjà, tu l'as beaucoup entendu. Ouais, et puis voilà, il fallait la valider, etc. Ouais. Jérémy, tu as joué dans la série Walking Girl. Oui, c'est vrai. Quelle expérience en as-tu tiré? Était-ce amusant? Ouais, moi, dans ce truc-là, en fait, j'ai un binôme avec un pote que je connais très bien. C'est le tout premier. T'as oublié son prénom, clairement. Anthony Faux est un pote de comédien et cascadeur. D'accord. Genre, un des plus forts. Enfin, il fait de la chorégraphie et tout. Il est très, très balèze. Et ouais, on a été pris tous les deux. Du coup, déjà, je me suis senti un peu rassuré parce que moi, c'était ma première série, en fait. Ouais. Et sauf ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que. Quasiment pendant toute la série, on est en slip. D'accord. Yes. Et on avait des corps, on avait nos corps, quoi. Genre, on n'avait pas prévu le truc. Du coup, on faisait des pompes. on venait des trucs, mais franchement, c'était vraiment une super expérience. Premier gros truc avec une caméra, une grosse équipe. Et non, c'était stylé à faire. D'accord. Et tu es dans la. On a le droit de le dire ou pas? Ouais, on peut. Ouais, tu es dans la prochaine saison. Normalement, si tout va bien. Si tout se passe bien. Ouais. Une série qui est sur Canal Plus. Plus, on oui. peut le dire, et plein d'acteurs géniaux dedans. Pierre Lapin, tu as teasé des projets avec ton ami Léopold, que l'on voit de plus en plus sur les réseaux. Oui. Pardon, parce que j'ai perdu la question, mais je m'en souviens de mémoire. Où ça va tout ça? Où va ce binôme? Apparemment, ça sort la semaine prochaine. D'accord, mais donc voilà. Du coup, ça sortira à peu près en même temps que ce podcast. C'est ça, je crois peut-être mercredi prochain. D'accord, donc peut-être juste après. Juste après, sur Golden Moustache. D'accord, trop bien. De petites polissonnades, comme j'aime le dire, polissonnades pranquignoles. c'est le titre de la vidéo d'ailleurs, polissonnades pranquignoles. On a censé le nom, mais ça s'appelle Gag dans l'oreillette. D'accord. On a choisi vraiment le nom le plus ringard possible. Bah, bien vu. Et voilà, donc c'est peut-être ce qui va enclencher peut-être d'autres vidéos avec ce nouveau petit binôme. Mais bon, vu que là, il est en train d'exploser en vol, moi, je suis là par terre en me disant « Ah, mon bon marin, va-t-il revenir un jour ?» Exploser en vol, ça veut dire ça veut dire l'inverse de ce que tu veux dire. Oui, mais bon. Mais après, on peut le dire, s'il prend son envol, quelque part, tu as bâti son nid, pas sûr. Parce que tu as réalisé les vidéos. Oui, j'ai réalisé, je vais réaliser la prochaine aussi. Donc, fais mes armes. Je fais un peu tout, je suis slasher, je vous dis. Oui, de merde. Oui, bien évidemment. Et je suis DJ aussi. Ah, tu es DJ? Oui. Adrien Méniel, comment as-tu été contacté par les Rois de la Suède pour tourner ce clip de Comment t'aimer? Je ne crois pas que ce soit le t'aimer titre. Normal, c'est T'aimer normal. Ouais. Peux-tu aussi nous raconter un peu l'envers du décor, car il s'agit d'un plan séquence. Il s'agit d'un plan séquence. Mmh. En fait, les Rois de la Suède, donc, étaient un groupe avec Monsieur Poulpe. Il y avait aussi Yvan Callot qui était l'ancien Yvan avec un I oui mais qui était l'ancien chanteur des Fatal Picard. Exactement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, rappelons-le, tu as fait une des pochettes des Fatal Picard. Exact. Pamplemousse mécanique. Tiens, d'ailleurs, rien à voir, mais en fait c'est bien. C'est Ménielite. Si vous aviez des baguilles début 2000, vous avez sûrement mis vos doigts sur un dessin d'Adrien Méniel. Exact. Ouais, en fait, à l'époque il y avait Coé, parce que Coé et Picard Sébastien Coé, et du coup il avait fait la promo de l'album, et du coup il y avait une capture d'écran de Koé avec mon dessin en immense derrière. Et là, l'histoire s'est reproduite récemment parce que Hanouna a parlé du tatouage sur le cul de mon frère. parce qu'en fait, mon frère, sur sa chaîne, il s'est fait tatouer le visage d'Hanouna sur le cul pour après faire une vidéo sur le détatouage. Ouais. Ouais, peut-être un des plus beaux échecs de 2017. Spoiler, ça ne part pas du tout. pas d'un millimètre. Alors, condamné à, pour l'instant. Là, pour l'instant, il a Hanouna, ça n'a pas bougé. Il a vraiment le visage d'Hanouna et c'est pas. Verdict, c'est un excellent tatoueur aussi. Ouais, là, excellent encre. Et du coup, Hanouna, on a parlé, et du coup, il y a une capture d'écran, il y a Hanouna avec le cul de mon frère, avec un dessin en grand, donc j'ai deux animateurs que j'adore. Tu es l'ami des stars. Tu es l'ami des stars. Avec un dessin de moi derrière. Non, et en fait, Yvan, en fait, c'est un pote, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'était un pote à l'époque, et puis Poulpe aussi, et du coup, comme Yvan m'avait vu esquisser quelques pas de danse à des soirées privées, m'avait dit putain mais ce serait marrant que dans un clip ce soit toi qui danse quoi. La fameuse tectonique. Ménélonique. C'est déposé d'ailleurs. Hein, c'est déposé, n'essayez pas de tweeter, c'est procès direct. et du coup ils ont eu l'idée de ce clip où en fait je joue déjà à l'époque un employé de bureau puisque c'était un peu mon rôle. Quand t'avais la moustache, on te donnait beaucoup ça quoi. Début Golden Moustache, j'étais souvent l'employé de bureau. L'avantage d'avoir un physique banal et des chemises jaunes et oui mais qu'on me fournissait c'était pas là pour juger. Non et du coup l'idée c'était de faire un plan séquence où je déambule dans un bureau et au moment du refrain je danse et c'était pour la petite anecdote en plein été donc une petite chaleur déjà évidemment dans des bureaux sans clim. Et effectivement, on avait commencé à tourner tôt le matin, donc le matin ça va, mais il y avait des installations, il y avait des trucs. Pas de la lumière même en vrai. Je suis pas sûr qu'il y avait de la lumière. Mais en plus, plan séquence, c'est compliqué d'éclairer. Là, il n'y avait pas de. Enfin, tu peux éclairer le plafond, mais c'était pas un gros budget. Non. Et du coup, pas mal de prises. Un peu fatigant. En plus, là, la prise qui a été gardée, c'est plutôt vers la fin, où j'étais moins en jambes. donc, imaginez les pas excellents que j'ai pourvoyés. Ouais. Pourvu, d'ailleurs, même. Mais il n'y a pas tellement d'anecdotes en plus à raconter, quoi. Non, mais c'était voilà. De la sueur, de l'envie et du rire. On l'avait dit dans le tout premier Floodcast, mais tu es aussi présent sur YouPorn. Parce que tu avais joué à l'époque le sketch la peau de Katsuni. Exact, oui. Et vous pouvez tomber assez facilement sur Adrien Meignet. Sur YouPorn. J'avais oublié ça. Mais oui, bien sûr, tu es présent. Je suis partout sur le web. Je sais pas, c'est tous les réseaux, Twitter, Insta, YouPorn. Stylé. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Non, j'en avais une aussi qui m'intéressait. Sylvain, peux-tu nous raconter ce tournage de Motus? rappelons-le quand même. Putain, c'est vrai ça, j'y pense pas assez souvent. Non, je vais essayer d'y retourner d'ailleurs. Ah ouais? Parce que pour le plaisir. Ah bah, non, puis là, t'as du temps, donc tu peux y aller. Ouais, exactement. Grave, je pourrais même me regarder, tu vois. je suis athée. Non, mais ouais, Motus, il est à la con entre potes. Et puis voilà, hein, c'est de l'entraînement. En vrai, sans déconner, c'est pas mal d'entraînement parce que les sélections, faut les passer, mon pote. Bah ouais. T'arrives dans des halls d'hôtel, enfin des trucs d'hôtel là réservés pour pour la demi-journée et tu fais des épreuves écrites, épreuves ensuite devant le jeu. Et donc voilà, il faut avoir l'air sympa, un peu comme dans toutes les émissions. Si t'es excellent mais que t'as un trou du cul, on te fait pas venir. Bah, surtout dans Motus qui est quand même l'épicentre de la hype. Donc faut être bon délire quoi. C'est voilà, tu vois, n'oubliez pas les paroles à côté. Non mais voilà, c'est en fait. C'est une émission qui existe depuis 25 ans, donc les mecs, ils s'en battent un peu les couilles dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils t'invitent, c'est cool. Enfin, tu passes une bonne journée, quoi. Ils te font visiter tout le truc, tu vas à la cantine. Enfin, voilà, j'avais fait un article sur Golden Moustache avec tout le résumé. Vous pouvez aller voir le repas et tout le merdier. Parce que je trouve ça marrant de documenter un peu comment ça se passe quand tu vas dans une émission. Des gens peuvent se poser la question. Et c'était juste très, très cool. À part qu'ils te font venir deux jours, ils te font bloquer deux jours. Et le premier jour, ils te foutent dans le public. En fait, tous les gens dans le public sont soit les candidats qui vont passer, soit les accompagnateurs qui sont avec. Et du coup, tu te tapes six émissions par jour. Et ils ne te disent pas quand tu passes. Du coup, le premier jour, on est venu juste dans le public. Oh la vache. Et t'as gagné quoi, du coup, au final ? Une SodaStream. Dédicacé par Thierry Beccaro. Mon frère aussi a gagné ça. Mais il savait pas ce que c'était. Je lui ai dit, vous pouvez la dédicacer. Alors il a mis dans le jus jusqu'au cou et il a signé. Il fait, mais je sais pas ce que c'est en fait. Je dis, non, c'est pas ça. C'est pas après ça. Thierry, regarde ce que tu offres quand même. Donc bon. Et donc, ouais, quand on a fait deux émissions, on a gagné la première, mais pas la super partie. Donc tu gagnes pas de pognon. Ouais. Et tu reviens te battre. Et en gros, ça, c'est un combat à mort. Ah oui, hein, non, je sais. Bah, les perdants sont exécutés, d'ailleurs. C'est une trappe. Et non, par contre, ils te filent trois dictionnaires par émission. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux fois des kits de trois dictionnaires que j'ai dû ramener en Uber après l'émission. Parce que je ne pouvais pas, bras d'homme, porter ça dans le métro, dans le 15e, jusqu'à... voilà, chez moi. Mais beaucoup trop de cadeaux et des logiciels d'architecte. Allez, c'est quoi, aucun sens, mais c'est la stream et des logiciels d'architecte. Ils ont vraiment pas d'argent, quoi. Non, non. C'est triste. Bah écoute, c'est dommage parce qu'ils auraient pu t'offrir des t-shirts de chez Tikuni. J'en ai quelques autres que je vous offre avant qu'on se sépare. Il y en a un qui a une menace de mort, donc je vous le dis. Fais-moi du mal, je réplique. Fais du mal à ma famille et personne ne retrouvera ton corps. C'était quel 4 le truc. C'est pas un t-shirt rigolo, c'est pas un t-shirt second degré. Vraiment sur le t-shirt, il y a une tête de mort et deux flingues, hein, donc vraiment, et un avis de décès. Bon, il y en a un très joli. Alors, je comprends pas le dessin, par contre, que c'est un truc un peu Illuminati avec l'œil dans un triangle. Ouais. Il y a écrit parle dans mon dos, ça glisse sur mon cul. Oh, là, là. Après, j'en ai des autres très précises. Encore une fois, merci. Mais tu vas faire un full quiz, mais t-shirt quiz, genre si c'est des vrais ou pas, essayer de compléter. Ouais, voilà, je peux pas l'improviser, mais il y en a un très joli là, c'est désolé, ce mec est déjà pris par une nana de juin, super canon. Ah oui, putain, mais les mois, c'est incroyable. C'est ouf ça. Ce truc, hein. Ça, c'est genre, je le vois en plus Facebook. Il y en a plein. Harry Potter, Stéphane Harry Potter de juin, ou je sais pas quoi, gare à toi. Ou... Ouais, les fans, genre les fans de Billy Joel qui sont nés en octobre sont les plus forts, tu vois. Tu fais, bah, c'est des niches de niches de niches. Ouais, ouais, ça doit toucher 4 personnes en France. Mais ils les ont. Ils les ont, elles les achètent. Il y en a une aussi, c'est une tasse pour l'armée. Donc il y a un gars avec une mitraillette sur le truc. L'armée. Nous sommes si bien entraînés que nous pouvons tout faire, même bourrés. Bah, top. Yes. Rassurant. Yes, les bonnes missions. Tu ne bois pas de l'alcool dans une tasse. C'est stupide. Non, non, c'est... mais c'est... ça n'a rien à voir. Okay, c'est juste, un message d'information qui se trouvait sur un mug. Mais... justifié. J'ai horreur d'être sexy, mais je suis soudeur, donc j'y peux rien. Quoi? Il y a vraiment. Alors, je sais qu'il existe vraiment, un électricien. Le cliché n'existe pas. Tu sais, c'est pas une raie de plombier, c'est pas une. Et l'affiche, c'est trois têtes de mort, donc vraiment, ça n'a pas de sens. Parce que tu mets pompier, tu vois, tu fais oui ok. Ouais. Soudeur, personne n'a dit dans sa vie. Ah, soudeur, ok, on s'emmerde pas, on sort avec un soudeur, ok. Tu mets des soudeurs chauds dans ta région. Prier est le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu, mais s'en prendre à ma fille est le plus rapide. Allez. Ça, c'est pour Liam Neeson. Et il y en a un qui me fait penser à toi, Adrien, ce que tu avais mis dans le sketch La police de l'humour. Ah, c'est impossible. Non, mais c'est pas, c'est un peu le même délire. Parce que c'était des créations originales. C'était des créations originales. Et tu avais fait un t-shirt, je crois que c'est moi qui l'avais porté, celui-là, où il y avait écrit sens de la visite. Début de la visite, il y avait une flèche qui montrait ma bite. Et là, il y en a un, c'est l'homme, ça montre la tête. La légende, la bite. Je l'ai déjà vu celui-là. Et pour finir sur la bite. Attends, j'ai juste une question. Vas-y. Dis celui-là, mais après, est-ce qu'il y a une catégorie arts martiaux ou pas? Alors, il y en a. Alors, est-ce qu'on pourra quand même en avoir un ou deux? On regardera tranquillement. On commander surtout. J'en ai quelques autres. Peut-être on les fera gagner. On essaiera d'organiser un concours pour faire gagner un t-shirt comme ça. Je sais pas comment on organisera ça, mais on le fera. Si on fait un live. Bon, de toute façon, je vous redirai à la fin, mais j'aimerais organiser des lives en public et tout. Et donc, du coup, peut-être on pourrait faire gagner ce genre de t-shirt si vous êtes chaud avec le hashtag Je suis chaud le t-shirt. Je sais pas. Pas besoin de chance quand on a des couilles. Très belle. Et peut-être mon préféré, parce que c'est une tête de mort avec une faux, donc c'est la mort, quoi. Ouais. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge en éclair derrière. Ouh, ça part bien. Et en même temps, ni Dieu ni maître, juste moi et mes couilles. Je veux voir, je veux rencontrer cette femme. Putain. Ah merde. Non, mais je veux voir, tu vois, il doit bien y avoir des gens qui les font, ces t-shirts. Ah non, mais c'est génial, en fait. Après, qui sont-ils? En fait, le problème, c'est que quand tu te balades, souvent, tu te rends compte que c'est les mêmes phrases avec d'autres trucs. Tu vois, il y en a genre. Tous les hommes naissent égaux, mais les meilleurs deviennent escrimeurs, tu vois. Enfin, c'est très précis. Ah, mais là, c'est du génie. Mais je veux rencontrer le directeur artistique de cette marque, quoi. C'est pas possible. Mais tu sais, il y a bien un moment où il est des screamers et vous le faites. Hein. Vous m'avez pas fait les screamers. Je pense qu'il y a un livre d'or. Le patron qui s'énerve, genre, attendez, vous avez oublié les screamers. Il y a un livre d'or, les gens un peu choqués qu'il n'y a rien sur les screamers. On est quand même 14. Bon, en tout cas, merci à tous. Je vais faire un petit tour de table pour savoir où vous retrouvez. Pierre Lapin. Sur Pierre Lapin, le club officiel pour chaque semaine, tout savoir sur. Putain, j'arrive pas. Tout ce qu'il faut savoir sur Internet pour rester cool et branché. Avec Guillaume et Pierre. Et oui, voilà. Et YouTube, qui ont une émission où on va interroger des gens un peu sur leur historique YouTube. Voilà, les gens connaissent. Et sinon, Twitter, Pierre Lapin, et vous surveillez tout ça. On apprécie. Sylvain, où peut-on te retrouver ? Sur Twitter, un petit peu, dans l'ombre, Sylvquin, avec un Q à la place du A, comme si c'était un QWERTY. Voilà. Et sur YouTube, pareil. Et sinon, au 8 code A1511. Tu le bifferas parce que c'est vraiment chez moi. Et le livre, dans toutes les FNAC. Et qui s'appelle toujours Je t'apprends le français, bordel. D'accord. Exactement. Très bien. Ça va, ça se vend bien ? Oh oui. T'es allé chez C'est à vous d'ailleurs, toi ? T'es allé manger une tartiflette flèche chez C'est à vous ? Putain, non, j'ai pas bouffé, mec. Ils ont pas fait manger ? Je suis arrivé, en fait, j'avais déjà fait une première fois il y a longtemps, pareil pour Becherel. Excuse-moi, la star. Je suis un papier peint. Non, mais j'avais bouffé la première fois, et pour le coup, ouais, j'étais arrivé au dessert, et déjà, je me suis dit, oh, je vais goûter ce vin. Sauf qu'avec les projecteurs, tu sens le vin déjà un peu plus monter. Non, mais ça allait en vrai. Et non, il y avait juste. J'ai fait une quenelle. C'est parti en couille. Une galette, mon pote. Attends, t'as le droit de boire du vin à la télé ? Eh bien. Wow ! Je suis peut-être délinquant sans le savoir. Watergate, mon gars. Est-ce qu'on n'appellerait pas un petit peu. Mais il y avait eu une histoire avec. C'était qui ? C'était Baffy qui s'était fait. Avec son émission. Ouais. Son émission, ouais, où oui, il avait des une gens. Émission où, on bouffe, où il bouffait. Quatrième son ascenseur. Il avait clashé un mec. C'était Michalak ou je sais pas quoi. Ah oui, vous lui avez dit, mais je vous dis pas bonjour, vous êtes un connard, vous m'avez balancé pour mon émission. J'avais aimé ce moment. En direct. Le sniper. Non, c'est vrai que je sais pas du coup, mais bon, c'était vraiment. Tu viens de ruiner la carrière de Anne-Sophie Lapitte. Désolé. Désolé. Menotté alors qu'il est. parce qu'ils nous écoutent, les mecs. Mais voilà, mais bon, t'as vraiment cette angoisse en tout cas. J'avais un truc aux fruits rouges, tu vois. C'est genre, il n'y a pas mieux pour s'en foutre plein la gueule ou plein le. Partout, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'aucune star américaine ne va assez tabou parce que quand il marche et tout, Will Smith avec un bon truc de salade, il y a des dents. Bah ouais, tout va bien. Voilà. Mais bon, bon souvenir. Si. Bon souvenir, très bien. Jérémy. Moi, sur YouTube avec le Whoop. Le Whoop Gang, tu te calmes Denis, ouais. Toujours pas calmé, Denis, on est d'accord. Non, toujours excité. Très bien. Et ma chaîne perso. D'accord. Jérémy Detlo et sur mon Instagram, Jérémy Dimonkey, en référence à Luffy Dimonkey. D'accord. C'est vrai que j'ai galéré à trouver sur Insta parce que j'ai tapé longtemps Jérémy Detlo et je me suis dit que t'en avais pas. C'est vrai, au niveau du marketing, c'est très con ce que je dis. Ça t'empêche pas d'avoir un milliard de followers et de buzzer régulièrement. Mais comme Flaubert te trouvait pas, il t'a fait un compte. Du coup, si tu veux aller voir, récupère j'ai mis photos. Que la photo de quand t'étais jeune à couper un mur avec le baguette au nombril. Dans ma case. Et il propose de faire gagner des iPhones aussi. oui, sinon c'est pas un vrai compte de star. Adrien Méniel. Peu de choses, moi. Une série, on la série qui risque de sortir encore plus tard que ce qu'on a annoncé. Ouais, mais pas beaucoup. Non, on avait dit le mois, je crois. Donc c'est toujours le même mois. Non. C'est un mois plus tard. Si d'accord. Ça, voilà. Donc série, voilà, qui va sortir mars ou avril, peut-être. Ouais, voire juin, peut-être. Allez, 2020. Peut-être jamais. Peut-être jamais. voilà, c'est tout. C'est tout. Bah non, si, ce qu'on avait dit, mais Irresponsable saison 2, j'ai une petite apparition. Des sketchs mais à droite à gauche. Plaisir. Bah, on vient de te voir dans Multiprise. On vient de te voir. Dans oui. Non, mais là, on parle des trucs à l'avenir. Non, mais sinon, Non, mais là, on va bosser un peu sur des projets perso là, en 2018. Ce serait cool. Bah oui. Ce serait cool. Et puis, Twitter, Instagram, des les stories réseaux, où je regarde Friends chez moi. Si vous aimez voir des stories d'un gars qui regarde Friends chez lui, Adrien Méniel sur Instagram. Peut-être un des meilleurs. voilà, et puis moi, un peu pareil, pas grand-chose en ce moment parce que je travaille de chez moi sur des trucs futurs, mais j'espère que vous les verrez. Parce que quand ça sortira, il y aura des trucs à mater. Hein. Faudra voir si vous serez prêts, parce que putain, il y aura des trucs. En attendant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles pour ce podcast parce que bon, j'aime pas faire ça à la fin, mais en vrai, ça joue beaucoup sur le référencement. Voilà. Donc, nous, on vous oblige pas par des entourloupes. Voilà, on veut pas vous forcer comme. Hashtag 2HDP. Non, mais voilà, vous n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si ça vous fait plaisir. Si c'est avec un petit commentaire gentil, parce que ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. Quoi d'autre ? Bah, je l'ai dit dans le dernier, mais vu qu'il faisait 3h20 et que c'était que sur Star Wars, je comprendrais que vous ne l'ayez pas écouté jusqu'à la fin. Mais on va essayer de faire des lives. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Je sais on pas avait comment. Dit ça en 2017. On avait dit ça en 2017, on ne l'a jamais fait. Mais bon, en 2017, j'avais dit aussi que ça allait être une hebdo, je n'ai pas réussi. Et là, maintenant, j'y arrive. Donc peut-être que donc, ça, déjà, les promesses sont gardées déjà. Voilà. Calmos, les amis. Calmos, les amis, exactement. mais bon, je réfléchis à des trucs. Là, j'ai proposé. Enfin, vu qu'il y a d'autres podcasts qui aimeraient faire du live, je me dis, eh ben, pourquoi pas faire une grande soirée du podcast de 2h30. Non, que nous. Que nous. Ok, ouais. Que nous. Bah, j'annule ce que je viens de dire. J'annule automatiquement ce que je viens de dire. Juste, je reparle, Calmos, les amis, il y a forcément des gens qui ont fait des t-shirts Calmos, les amis. Ah, j'espère. J'espère. Bah écoutez, je vais te le dire en direct. Il n'y a pas de t-shirt Calmos, les amis. Non, mais c'est vrai qu'il y avait eu des t-shirts Jawad, mais il n'y a pas eu le t-shirt Calmos, les amis. Ouais. Mais Jawad, il y a un côté Cicera derrière. Oui. Griezmann, tu peux pas dire, bah il a raison, Calmos, les amis, en fait. voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Et gros bisous. Ciao. Ok, ce soir, Inès, c'est ton anniversaire. Je vois que t'es entouré de tous tes copains. Alors faites-moi un maximum de bruit. Attention. Ok, les filles, vous êtes suantes. Ok, les garçons, vous êtes galbés. C'est parti pour la soirée de folie. Hey. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Inès. Non, mais regardez-la, on dirait un rayon de soleil. J'ai mal aux yeux. Ok. Ok, les filles, vous faites un maximum de bruit pour le DJ. Ok, les garçons, à vous. Ok, Inès, tu es la reine de la danse. Ce soir, c'est ta soirée. Vous êtes fatigué. Ok, l'ambiance est chaude ce soir. On remercie Corinne Messien. On remercie le sponsor Bacardi. Vous pouvez retrouver des chapeaux et des goodies au bar. On remercie Samuel, notre chef cocktail. Ok, vous êtes chaud. Attention. Ok les filles, je vais vouloir faire un maximum de bruit sur la piste. Et attention les garçons, c'est à vous. Aïe aïe aïe, l'ambiance est chaude. On le rappelle qu'il ne faut pas trop boire. Mais prenez quand même un maximum de risques, car je veux voir les pompiers ce soir sur la piste. Party time. Aïe aïe aïe aïe aïe, l'ambiance est si chaude ce soir. Appelez les pompiers car je suis en feu. Ok. Ok, prenez un maximum de risques. Drogue, alcool. Bring it on. Vous êtes fatigué. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous êtes chaud. Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza. Ok les filles, vous êtes suantes. Ok les garçons, vous êtes galbés. C'est parti pour la soirée de folie. Fuck the DJ. Ce soir, c'est ta soirée.